Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Démocratie participative, saison numéro 2, épisode numéro 4, donc de votre émission préférée, je l'espère. En tout cas, je veux le croire. Je vais commencer toute cette émission, comme d'habitude, en vous invitant à nous contacter, si vous le souhaitez, sur notre boîte email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète. Démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur le démocratie, @mail.ru. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous abonnez à notre chaîne, j'insiste là-dessus, hein. Abonnez-vous à notre chaîne, vous cliquez sur l'abonnement, mettez un pouce aussi, vous cliquez sur j'aime l'émission, comme ça, ça lui donne plus de visibilité sur la plateforme. Vous pouvez aussi recevoir les alertes sur Facebook, vous n'avez qu'à rechercher sur Facebook Démocratie participative, vous trouverez immédiatement, et sur notre plateforme SoundCloud, qui fonctionne, hein. Elle est opérationnelle. Sans plus tarder, je vous présente nos participants de cette émission, avec Derek. Salut Derek, ça gaze. On a vu des gens de par chez toi qui se sont illustrés, on va en parler dans quelques instants. Ouais, fait par chez moi, presque. Quoi. Ouais. Frédéric dans l'évier. Qui, depuis la Hongrie, entre deux levages de fonte, participe aussi et est apprécié de nos auditeurs. Salut Fred. Ça va très bien de mon côté. Oui, comme d'habitude, de la fonte, tout ça, des petites vidéos. Non, je m'amuse, je me délecte de ce que fait Trump, comme d'habitude. Là, il a encore signé des executive orders intéressants. Mais certainement qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Deuxième partie d'émission, effectivement. Poporovitch, salut Poro, ça gaze ? Shalom alaikum à tous, ouais, ça gaze, y'a pas de problème. Bon, ouais, c'est bien. Salut Fulbert, comment vas-tu Fulbert ? Fulbert va bien, merci, bonjour à tous. Ton lien vers le site internet Faits divers en France a particulièrement plu à nos auditeurs, et ils t'en ont remercié d'ailleurs. Hein. Donc merci Fulbert pour... Fulbert les bons tuyaux, en fait. Fulbert les bons tuyaux. Mec, il n'hésite pas à le propager ce lien un petit peu partout. Hein, parce que ça ne peut faire que du bien, finalement. Exactement. Hopman America, salut. Hopman, comment ça va ? Ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, comme tu dis si bien, en avant les nègres. En avant les nègres. Salut MacDav. Comment vas-tu ? Alaikum salam, Starfoula. Si Dieu veut. Starfoula. Magda a été kidnappé. Va voir qu'on appelle le GIGN. Torturé par l'État islamique, mais il a réussi à venir dans l'émission pour aujourd'hui. Alors. Tout à fait. On va commencer par quelques commentaires de nos auditeurs. Vous savez que c'est une nouvelle rubrique que j'ai inscrite, avec évidemment le soutien plein et entier de nos participants. Le premier, c'est celui de Thieu Boboil. Alors, c'est des pseudos, je présume, donc voilà, je les prononce peut-être mal. Ça, c'est sur la composition sociologique et les rythmes de vie des villes françaises. C'est assez intéressant. Alors, je vous le lis, hein. Le centre-ville d'une ville dans le top 10 en termes de population. Donc il nous dit voilà à peu près à quoi ressemble une grande ville française. De 4h à 6h du matin, nettoyeurs trottoirs, 2/3 de blancs, le reste que des immigrés. À partir de 5h, éboueurs, 2/3 blancs, le reste des immigrés. 6h du mat, nettoyage des entrées de bâtiments, que des immigrés. À partir de 6h30, les gens vont travailler. Mais quand je dis les gens, c'est 70% de femmes. Accueil, secrétaire, banque, école. J'espère que ce n'est pas la proportion réelle, car quand on voit cela le matin, on se demande où est l'homme blanc et s'il n'a pas été simplement dégagé. Parce que moi, de 20h, livreur, veilleur de nuit, videur de boîte, à 8h du matin, les seuls blancs que je vois, ce sont ceux qui viennent de la campagne installer leurs étals sur le marché. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça, mais c'est vrai que les rythmes d'activité professionnelle tendent à montrer à créditer l'idée qu'il y a des populations plus productives que d'autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors en fait, moi, quand j'ai lu le commentaire, je ne sais pas s'il voulait dire 2-3 blancs ou 2/3 de blancs. Et à mon avis, vu la suite du commentaire, il voulait dire 2-3 blancs. Dans le sens où il y a de moins en moins de blancs, quoi. Parce qu'il le dit dans sa phrase après, dans son com, quoi. Où est passé l'homme blanc? On l'a dégagé, tu vois. Ah d'accord, ce serait peut-être 2-3 blancs, pas 2/3. D'accord, autant pour moi. C'est peut-être... Ceci oui, étant... c'est une ville qui est quasiment occupée, parce qu'apparemment, les seuls blancs viennent de la campagne. Donc, Ouais. Mais à Paris, de toute façon, ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de nos camarades qui nous écoutent, pensez amicale à eux, bien sûr, qui sont dans les transports en commun, notamment en Île-de-France, alors eux, ils le voient. Hein. C'est-à-dire que quand ils vont bosser, il n'y a que des blancs, hein, quand ça va au boulot tout de suite, là, le matin. Et puis en journée, il n'y a que des nègres, c'est marrant quand même. Hein. C'est l'heure à laquelle la CAF ouvre, donc là, du coup, tu as le flow, tu vois, qui arrive. Et, ouais. C'est le Rio Negro, tu vois. Et aussi, je ne sais pas où en sont les statistiques en France, mais je sais qu'aux États-Unis, les statistiques commencent à refléter le fait qu'effectivement, les hommes blancs sont de moins en moins au travail, se font licencier pour diverses raisons, et, ou en tout cas qu'on privilégie l'emploi des jeunes femmes, évidemment féministes, très gauchias, etc., etc., et qu'on voit vraiment de plus en plus de boulot de middle management, voilà, de secrétaire, de je ne sais pas quoi, d'assistante sociale, enfin, tout le business de l'assistance publique, des psychologues, des machins comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une armée de fonctionnaires, voilà, c'est-à-dire qui sont très souvent des femmes. Alors évidemment, il y a quelques hommes là-dedans, mais quand même beaucoup moins. Et ça commence à se voir. Alors, je ne sais pas où en sont les statistiques en France, comme je disais. Je ne sais pas si on peut les trouver, ça serait intéressant. Mais je sais qu'aux États-Unis, ça commence à se voir qu'on emploie massivement des femmes et dans des métiers effectivement très particuliers, très connotés à gauche. C'est vraiment l'armée des subventionnés, des assistés et des gens qui sont payés pour produire des assistés, quoi. Voilà. Pour torcher le cul des bamboules. Pour torcher le cul des nègres, oui, voilà, ouais, c'est à peu près ça. Bah, en France, c'est ça, on a une industrie de l'entretien des nouveaux arrivants clandestins, quoi. Tu as toute l'aide à l'intégration, la formation, le logement, etc. Il faut retrouver ça. Donc, tu as des gens, leur fonction, leur utilité à la société, c'est de nous ventiler du nègre. Je sais pas. C'est... Alors, faire des diplômes comme ça, il faut être sacrément tordu. Bah, par contre, vrai que c'est une industrie de pointe, mais là, la France, je pense qu'au niveau mondial, c'est dans le top 3, à mon avis. Avec la Suède, je pense que... Ouais, mec, il faut quand même beaucoup de psychologues pour gérer tous les problèmes. La tristesse, la dépression, les besoins de ces nouveaux arrivants qui sont quand même très, voilà, qu'on a maltraités, qui sont oppressés par les de guerre. Il faut en prendre soin, il faut les caresser, il faut leur chanter des chansons, et donc il y a besoin de personnes pour le faire, quoi. Oppressés par les privilèges blancs, quoi. Donc ouais, les pauvres, quoi, les pauvres. Ouais, c'est MacDev, tu voulais réagir? Non, mais écoute, moi je travaille dans une grande société entre guillemets française. Effectivement, on dira toutes les campagnes de recrutement, c'est systématiquement des nègres, un boukak et une femme. L'homme blanc, tu vois, le petit blanc, n'intéresse plus les sociétés d'État françaises où on peut voir les gens le matin travailler, aller au travail, ou ne serait-ce que conduire des bus. À la RATP, il n'y a que des bougnoules, il n'y a que des islamistes, hein, c'est très connu. Et c'est la même chose pour La Poste, c'est la même chose pour pas mal de boîtes. On a exclu le mâle blanc jeune, parce qu'il était trop privilégié. C'est-à-dire qu'il y a aussi le problème qu'on ne recherche plus à avoir une économie réellement productive, hein, on recherche à avoir une économie de management, de pouilleux, On n'a pas besoin d'hommes blancs pour faire ça. Les hommes blancs, c'est pour faire de l'économie productive, pour produire des biens, de la valeur ajoutée, des services qui ne sont pas forcément de l'assistanat. Et là, en réalité, l'économie productive, il y en a de moins en moins. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait venir des parasites, qu'on met des femmes partout. Enfin, c'est vraiment... et puis, c'est aussi un rapport de force, quoi. C'est l'économie de la razzia, hein. La sécurité de l'aéroport de Roissy, c'est que des barbus, quoi. Donc, il y a un rapport de force là-dedans. C'est magnifique, ça, hein, quand tu vas dans cet aéroport. Et t'as toujours la même... d'ailleurs, t'as toujours la même... je sais pas, c'est une bicote, hein. C'est toujours la même. Ça fait des années, c'est la même. Et alors, tu sais pas trop si c'est elle qui pousse le balai ou si c'est le balai qui la tire. Tu sais jamais trop sûr. Et c'est la même, elle passe. Alors, elle nettoie, je vous raconte pas, avec énergie, vous êtes convaincus. D'ailleurs, tu vois les chewing-gums, ils bougent pas, c'est toujours le même truc. Et quand tu vas à la douane, alors évidemment, les mines patibulaires des Antillaises, alors ça, c'est toujours un plaisir, quoi, tu vois. On dit le sourire des îles, ils ont dû le laisser derrière, elle, hein, parce que... Ah ouais, c'est magnifique. Alors, typiquement, quoi, ils ne recrutent que du bico, du turc, du boukak, enfin, c'est rempli de ça, à Charles de Gaulle. Hein. Alors, je vous invite, alors, si vous voyagez, chers amis, pour rendre votre voyage plus agréable... Vous regardez par le hublot avant de décoller, vous regardez les types qui mettent les bagages dans les soutes. Alors regardez bien. Alors, quand vous allez voir les barbes, c'est Raka. C'est Raka. Ouais, et là vous allez vous dire, ouais, ok, d'accord. Alors, ok, d'accord. Alors bon voyage, chers amis, si vous partez pour une destination exotique, regardez par le hublot, vous penserez à moi et à notre émission. Deuxième commentaire. Avant qu'on commence notre première rubrique, c'est Pironien, qui est un commentateur fervent, hein, de démocratie participative. Voici ce qu'il écrit. C'était par rapport au passage sur un truc relatif au féminisme. Voici ce qu'il écrit. « Cela me fait penser à un cas similaire. Récemment, il m'est arrivé de travailler en compagnie d'une collègue de 22 ans, en couple avec un vieux de 30 ans, son aîné. Le pire... c'est qu'il n'est pas riche et qu'il a des enfants qu'elle ne supporte pas. Et quand cette pétasse ne passe pas ses journées à chauffer des mecs, elle le passe à dire qu'elle ne fera jamais d'enfants. » Alors, en fait, il décrit en fait le cas typique de la gonzesse de 20 balais, quoi, comme vous l'avez bien compris. Et bon, voilà, c'était un peu le portrait de cette nette. Quelqu'un veut parler de... Enfin, rebondir sur le truc vite fait avant qu'on commence la première rubrique de On ces, a des portes au Sénégal. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ah il oui, y a un truc dont on peut parler, c'est-à-dire c'est ces connasses qui font n'importe quoi de 20 à 30 ans, qui vont en boîte de nuit et tout, qui jouent les princesses, etc. Au lieu de chercher un homme de qualité ou pour faire une famille, quoi. Et puis qui a 35 ans découvre en fait que voilà, son système hormonal il va changer. Et tout d'un coup, elle cherche le tocard qui va être assez con pour leur faire des mômes après que 40 mecs lui soient passés dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc? Personne n'a envie de rebondir. Bien sûr, non, mais c'est absolument terrible parce que d'un côté, tu as ces gonzesses qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants. Donc ces nanas-là, très honnêtement, il faut... De toute manière, elles ne réfléchissent pas. Hein. Pour moi, elles se fondent dans un moule sociétal. Elles répètent qu'elle le gobe comme des éponges par la télé et les clips de rap à la con. Et d'un autre côté, t'as les gonzesses qui pondent avec des nègres. Et effectivement, comme tu le disais très bien, tu as des cons de Français, très généralement blancs, qui à 35 ans se mettent avec du matériel d'occasion, qui a déjà des enfants. Et effectivement, quand tu dois assumer par ton travail... une bonne femme qui soit n'a pas d'enfant et est totalement hystérique, soit a des enfants de nègres, effectivement, ça donne pas envie d'être très féministe. Et d'ailleurs, il y a un mouvement, je crois, aux États-Unis qui s'appelle le MTO, hein, donc c'est les hommes qui suivent leur propre voie. Je pense que ça va un peu venir en France parce que le féminisme fait des ravages et dont les femmes sont les premières victimes, mais elles vont s'en rendre compte un peu plus tard, quoi. Sur 30, 35 ans, quand elles vont se rendre compte qu'elles sont pas que leur valeur décroît sur le marché sexuel. C'est MGTOW, men get their own way, MGTOW. Alors traduit en français, men get their own way. C'est les mecs qui se barrent de leur propre côté, quoi, qui se Homosexuel, donc. Non, non, pas du tout. C'est un peu chiant, en fait. Je sais pas, je pose la question parce que. C'est spécial. Ça veut dire quoi c'est... Ou alors, non, c'est des mecs qui assument le fait de pas vouloir de femmes, pas de relations sexuelles, etc. Ouais, peu... ou en gros, de n'en vouloir que pour satisfaire leurs hésites de temps en temps, ouais, etc. Puis... Mais c'est un peu. C'est quand même un peu un truc de branleur, quoi. Je veux dire, c'est... Ils ont sorti ça il y a un petit moment. Bon, c'était. Ouais, ça fait rigolo au début, mais tu te rends compte que c'est assez stérile, quoi. Parce que c'est pas avec ça que tu fais repartir quoi que ce soit. Ouais, effectivement. D'accord. Tu peux pas repartir la mentalité avec un truc comme ça. En fait, c'est le pendant masculin du féminisme. C'est ça. Donc, effectivement, oui, c'est un truc de branleur, tout à fait. Bon, nous passons à la première rubrique, autisme radical. Il y a de la matière. Sujet numéro 1, Marseille. Alors, interpellation. Par la police d'un trafiquant, je crois, de drogue en camis, hein, en camis, comme ils disent, en camis. On va écouter l'extrait parce que c'est très parlant, c'est très court et très parlant. Là, ils l'ont pété en camis. Ah, ils l'ont pété en camis. Ah, relâche-le, hein. Ah, pas de pute, un camis. Voilà. Là, je vais prendre notre ami Derek. Là, dis donc, ça. Ah c'est oui, nouveau, il y a arrestation... une nouvelle méthode là. Voilà, hein, arrestation en camis, c'est pas le trafiquant de drogue hein, qui était en camis, c'était les policiers qui étaient entre guillemets en civil, tu vois, avec des grosses guillemets, parce qu'effectivement la tenue réglementaire normale dans cette fosse à purin qu'est Marseille, ben c'est le camis, c'est puis t'avais une policière aussi qui était en voile intégrale, hein, c'est assez rigolo. Le camis, il faut dire, pour ceux qui nous écoutent, c'est la djellaba. Voilà, la djellaba, le boubou. C'est le boubou. Le sac de patates, tout ce que vous voulez, c'est chiasse. Il faut voir le flic. Hein. En plus, généralement, tu sais, les musulmans qui portent ça, ils ont souvent des baskets. Ils ont le camis basket. Ouais, camis basket, ouais, bah ouais, mais ça fait très. Ça fait très couleur locale. Hein. C'est. Ah ouais, ça fait. C'est un raga islamisé, ouais, c'est magnifique. C'est ça, le camis avec les TN. C'est la population qu'il y a. Et donc, ouais, la réaction du type là, qui filme en mode ouais, vas-y frère, il soit un camis, lâchez-le. Indignation. Ah ouais, non, mais ouais, c'est violation des conventions de Genève, t'as tout ce que tu veux. Enfin, voilà, quoi, c'est... Ah oui, il y a des commentaires sur Twitter, parce que bon, toute cette faune-là n'a pas manqué de réagir. Hein. Comme quoi, les jeunes hein, étaient stigmatisés. Donc, le dealer en question, c'était un jeune. Hein, voilà. Vous qui n'êtes pas vieux, hein, donc vous êtes, voilà, vous êtes des jeunes, comme ce putain de boucac de merde hein, qui est arrêté par les policiers. Donc voilà, la faune qui réagit, qui est stigmatisée, les pauvres petits, on va les plaindre. Ah oui, les islamistes qui font du trafic de cam. Ouais, Magda ? Mais comment tu peux stigmatiser un bougnoul, sachant qu'il n'y a que des bougnouls dans le quartier ? Enfin, faut m'expliquer, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que ça voudrait dire que les musulmans feraient du trafic de drogue, et s'ils utilisent du camis, ça veut dire que on pourrait trouver des gens en camis qui font du trafic de drogue. Alors, pas qu'ils font du trafic de drogue, choqué, mais... Hein. En tout cas, c'est vrai que soi-disant les musulmans seraient contre les drogues et compagnie. Oui. Le trafiquant en question, ayant vu une femme en voile intégrale et un type en djellaba avec la barbe, ça l'a pas inquiété de voir ces musulmans. Hein, donc, Non, mais il y a quand même de la drogue, tu sais, c'est halal. C'est la ça, drogue halal. Ça sert la communauté musulmane, il y a pas de problème. Ça sert la Ouma. Quoi, tu veux dire qu'il y aurait une hypocrisie Ah bah c'est difficile à imaginer de la part de ces populations, mais peut-être que quelque part... Il y a peut-être quelque chose. Alors bon, je tiens quand même à préciser pour le débat, pour le bien du débat, une donnée importante, c'est le syndicat Force Ouvrière qui a tenu à réagir quand même. Alors, Luc Poignant, de l'unité SGP Police Force Ouvrière, c'est pour sa part étonné de cette méthode. C'est Rochatoudet qui cite. Hein. Lorsqu'il y a une action de police, cela s'effectue généralement soit en tenue civile dite classique, soit dans la tenue de service qui correspond. L'idée est de se fondre dans la masse. mais pas jusqu'au bout quand même. Donc, hein, les communistes de Force Ouvrière tirent la gueule, là, quand même. Enfin, ouais. La direction. Voilà. Hein, ouais, les communistes, voilà, pour que l'arrestation eût été réalisée dans des... dans les règles de l'art, il aurait fallu que les policiers arrivent en civil, donc avec un costard cravate et un attaché case. Quoi. Là, effectivement, ils auraient été... personne ne les aurait vu venir. Non, mais c'est incroyable. Et ça aurait été bien s'ils avaient envoyé un courrier avant, quand même, pour émotionnellement, pour pas quand même choquer trop les gens. Voilà, exactement. Ouais, c'est magnifique. Bon. Ouais, puis... tu vois, quand t'interpelles un musulman, faut respecter la tradition islamique. Tu vois, faut... Oui. Faut saluer dans les règles de l'art... Salam alaikum, alaikum salam. Barakallah, Jalaoufik, Arki, machin, Subhanallah. Voilà. Et il faudrait pas non plus les interpeller durant les heures de prière aussi, ça pourrait être exactement, problématique. Oui. Ah, bah oui, ça serait de la stigmatisation envers une population éminemment pacifique. Donc il faudrait pas non plus. Ouais. Bon, sujet numéro 2. Je crois que le Kiamis, c'est un petit peu la tenue réglementaire en prison. Il me semble, il n'y a que ça, quoi. Alors maintenant, c'est dans la police, bah écoute, pourquoi pas. Bah ça progresse, je veux dire, quelque part. Sujet numéro 2, les gars. Ça fait le lien. Erdogan dénonce l'expression « terrorisme islamiste » employée par Merkel. Alors je vous lis, hein, c'est assez intéressant. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est élevé jeudi contre l'emploi du terme « terrorisme islamiste » pour désigner les attaques menées par des groupes djihadistes. À l'issue d'une rencontre entre le chef de l'État turc à Ankara et Angela Merkel, cette dernière a mentionné donc cette expression « terrorisme islamiste » parmi les sujets qui avaient été évoqués lors de son entretien avec le président turc. Celui-ci s'est immédiatement inscrit en faux. Je le cite « L'expression « terrorisme islamiste » nous peine profondément. Une telle expression ne peut être employée, ce n'est pas juste. Car l'islam et le terrorisme ne peuvent pas être accolés. » Le mot « islam » signifie « paix ». Par conséquent, PAIX. Par conséquent, si on met bout à bout deux mots qui renvoient à la paix et au terrorisme, cela peine les fidèles de cette religion, l'islam. Je vous laisse réagir, c'est extraordinaire. Alors, qui veut quand même expliquer aux gens ce que veut dire vraiment le mot islam, quand même? MacDav. Ouais, ou toi, Frédéric. Ça veut dire soumission, tout simplement. Alors, on soumet comment? En montrant son cul et en mettant sa face contre terre, tout simplement. La soumission, c'est degré ou de force, hein, d'après ce que j'ai compris. On ne te laisse pas vraiment le choix, quoi, tu vois. C'est-à-dire que soit tu te soumets volontairement, tu fais ta shahada, tu vois, ou alors les bougnoules, ils arrivent et puis ils font caca partout. Et puis voilà. Mais pour ceux qui ont un petit peu des lacunes en histoire, en fait, la conquête islamique est une conquête pacifique. Et tous ceux qui te disent le contraire sont des odieux révisionnistes et des islamophobes. 13 siècles d'islamophobie déjà, ça passe. Ça fait beaucoup. Hein. Ça va vite, hein. Ouais, donc, islam. Alors, il faut quand même expliquer que paix, ça se dit salam, hein, si je ne m'abuse. Salam, c'est comme ça qu'on dit en arabe. Et c'est pas islam. Islam, ça veut dire soumission. Donc, Erdogan, c'est encore la paix et la tête des gens. Donc, messieurs. Quand vous voyez quelqu'un qui crie à la Akbar et qui essaye de poignarder quelqu'un au musée du Louvre, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ne serait-ce même que de le penser, vous êtes déjà un salopard. Mais Erdogan, enfin, on voit en disant ce genre de déclaration qu'il a un profond mépris pour tout ce qui est européen. Quoi. Il te sort des trucs comme ça. Déjà Merkel qui a... Non, mais même pas, parce qu'il emboîte le pas à la propagande occidentale. Les premiers à dire c'est pas ça l'islam, c'est les occidentaux. Oui, fait la propagande occidentale avec les mecs payés par le Qatar. Oui, donc ça fait partie d'un tout, hein, aussi. Hein. Mais le mec s'en fout, quoi. Et là, il nous crache à la gueule et puis bon, nous on réagit pas. Merkel va s'excuser, tout va bien. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre à quel point ces gens ils ont du culot et ils oseront tout, quoi. C'est-à-dire que avant de t'égorger, ils te feront tout pour t'humilier, faire les poches, etc. Enfin, ils auraient tort de se priver, hein. Ça a l'air d'y plaire. Quand t'as des couillons en face de toi, c'est vrai que... C'est tentant, hein. Quand tu passes Adolf Hitler à Angela Merkel, effectivement, tu comprends qu'il y a des mecs qui disent « Tiens, c'est marrant, là, il y a des pigeons à cartonner. » Là, effectivement, bah oui, c'est sûr. Rubrique numéro 2, messieurs. Alors là, c'est rubrique inédite, hein, c'est la première fois. L'immonde négresse de la semaine. Une rubrique qui a de l'avenir, hein, je pense. Oui, je le crois aussi. Ouais, vu qu'il se réplique, effectivement. Ouais, et puis j'ai quelques clientes. Vous aussi, je présume. Parlement européen des jeunes. Alors, c'est un truc, c'est encore un bidule qu'ils font à Bruxelles pour essayer d'attirer le soutien de la jeunesse européenne. Alors, ça marche toujours, parce qu'ils ont toujours des très bons clients pour ça. Et là, c'est Seyi Akinwumo. Alors, je suis pas familier de cette tribu. Akinwumo. Voilà, tu le fais mieux que moi. Ce nom d'animal, quoi. On dirait, c'est vrai que là, pour le coup, le côté singe est assez prononcé. Hein. C'est sûr. Alors, Akinwumo veut des réparations pour la colonisation. Alors, c'était en anglais, alors malheureusement, on ne peut pas citer l'extrait, mais je vous cite ce qu'elle nous dit, cette personne. Enfin, oui. Cette chose. Voilà. Mon idée. Alors, elle s'exprime. Hein, là, on voit Nigel Farage d'habitude s'exprimer. Elle était plus ou moins dans ce secteur-là, d'ailleurs. Elle prend la parole et elle dit « Mon idée, une solution de long terme qui serait pour l'Union européenne, particulièrement pour les anciens empires, l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire italien, ce serait de payer des réparations aux pays qu'ils ont colonisés précédemment. » Elle enchaîne. Alors là, il y a une protestation dans l'Assemblée. D'ailleurs, je crois que les Français ont gueulé. Les jeunes Français ont gueulé. « Huez-moi autant que vous voulez, baby. » Ah, parce qu'elle dit « baby ». Alors, tu sais, la négresse complètement insolente. Enfin, c'est abusé, quoi. « Baby !» Ouais, c'est ça. « Ces anciens colonisés n'auront pas à venir dans des pays froids. Et je ne parle pas uniquement de la température, mais de votre accueil glacial pour ces gens. » Oh, les pauvres. « Alors, nous pourrons rester dans nos pays après que vous les ayez détruits. » Alors, c'est intéressant parce que cette négresse, elle dit « nous », hein, est une élue du Parti travailliste britannique à Londres. Donc c'est très révélateur. À qui veut réagir? Alors là, moi, je sais déjà qui je vais demander. Hopman. Hopman, ouh, c'est pour toi. Je vois pas pourquoi tu me demandes, je vois pas. Ah bah, une négresse qui exige des blancs qu'ils expient en payant en cash. Là, c'est un cas typique de... Enfin, là, c'est un chantage avéré, quoi. Elle dit, voilà, tant que vous passerez pas, vous cracherez pas au bassinet... On va continuer à vous envahir, vous faire les poches, alors que la nette, officiellement, est britannique, élue, etc. Hein, voilà, elle dit, nous, on va continuer à vous envahir si vous lâchez pas le pognon. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est typique du nègre du Boukak qui a l'outrecuidance, en fait, d'être sur nos terres, de profiter, en fait, de tout ce que nous avons, enfin, ce que nos ancêtres ont créé, hein, parce que les gens qui ont créé la civilisation européenne, c'est les gens qui ont trimé depuis des milliers d'années, c'est pas eux, quoi. Et ces gens-là, vraiment, alors, non seulement c'est la cultural appropriation, hein, de l'appropriation culturelle, mais en plus, c'est vraiment un très fort marqueur, parce qu'on voit bien que ce soit en France, avec l'immonde négresse, je ne sais plus son nom, là, qui était passé à la télé en disant... Rokhaya Diallo. Façon... Non, l'autre. Ah, mais si vous dites l'immonde négresse, vous n'allez pas vous en sortir, parce qu'il y en a quelques-unes. Hein, ah ouais, non, mais... Mais en fait, ce qui est marrant, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est que je me suis dit, mais attends, mais meuf... Si t'es aujourd'hui capable de t'exprimer en anglais et de vivre dans un pays comme le nôtre, c'est bien parce qu'on n'a pas détruit en fait vos pays, c'est parce qu'on y a apporté malheureusement la médecine, hein, une certaine forme d'éducation, puisque vous parlez des langues qui ne sont pas les vôtres à la base, hein, elle est certainement du Ghana ou de je ne sais plus quel autre pays de chiasse là, Ghana d'ailleurs, où les gens vont chier dans les rues, hein, ou sur la plage, hein, parce que je connais des gens qui sont allés au Ghana. Non, mais ça c'est la civilisation nègre, hein, tu peux pas comprendre. Peut-être c'est... Ah, c'est vrai. Pour se réconcilier avec les indo-européens d'Inde. Voilà. Ah oui, la réconciliation par la chiasse dans la rue, c'est vrai ça. Ah bah, peut-être qu'Alain Soral peut nous éclairer, moi je sais pas. Alain Soral. Non mais c'est vraiment intéressant. Non, en plus, t'as tout dit, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous parlent de dédommagement, mais ces gens-là seraient encore en train de s'enculer dans leur trou à rat, voilà, ils sauraient même pas ce que c'est l'électricité, c'est les Blancs qui ont été d'ailleurs assez cons pour leur apporter, et ils viennent nous demander des dommages. Des dommages pour quoi? Pour les routes, l'électricité, la découverte de la médecine, un semblant de structure étatique, enfin de loin, parce que de toute façon, dès que les Blancs sont partis, tout s'est effondré pratiquement. Mais attendez, il devrait nous remercier, quoi. Il devrait nous remercier, et on a ces gens-là qui viennent nous faire les poches. Et en plus, et c'est une négresse qui n'est pas d'Afrique, au sens strict, c'est une Africaine, mais c'est une négresse qui est à Londres, qui vit chez les Blancs, et qui est en train de vouloir nous faire les poches. Il est temps, vraiment, de remettre ces gens à leur place, hein, franchement. Ouais, hein, mais... Non, mais c'est bien la preuve que le nationalisme civique, entre guillemets, est une encule. Les nègres sont totalement incapables de s'extraire de leurs conditions raciales. Un nègre, tu peux lui mettre toute la nationalité que tu veux, quelle que soit sa nationalité, reste un nègre. C'est aussi simple que ça. Et le, enfin, comment, le pire... je veux dire, nègre qui passerait une frontière et qui aurait reçu un morceau de papier ne resterait pas nègre, si je comprends. Le pire dans cette histoire, c'est que s'il est... imaginons, hein, on leur file des ronds, tu vois, aux Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les ronds qu'on va leur filer, ils vont l'utiliser pour faire encore plus de gosses et qu'ils vont nous renvoyer chez nous au final. Donc c'est, ils sont capables de faire rien d'autre. Quoi. Pour rebondir là-dessus, est-ce que, enfin, moi, je propose, hein, j'ai une contre-proposition. Est-ce qu'on peut demander aux nègres de payer des réparations pour toute la chiasse qu'ils ont amenée dans les pays occidentaux, c'est-à-dire le niveau de l'école publique qui est absolument désastreux, l'insalubrité en général qui entoure leurs quartiers, leurs attroupements, etc., etc., leur musique de merde absolument insupportable. Je veux dire. Moi, je veux bien qu'on aille sur ces terrains-là, seulement une fois que des nationalistes seront arrivés au pouvoir, ben on va demander des réparations aux nègres. Et je pense qu'on pourra se mettre d'accord sur, par exemple, s'accaparer des ressources d'un pays d'Afrique ou un autre, etc. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, on pourra trouver des compromis. Bah, tout à fait, au titre de la réparation, tout à fait. À voilà, mon avis, toi, tu as de l'uranium, toi, tu as de l'or, toi, tu as du machin... Bon, vous nous avez quand même bien salopé tout le continent, etc., etc. Donc, non seulement maintenant vous dégagez, mais en plus, ça, c'est à nous. Tu vois, là, je pense qu'on peut se mettre d'accord. Mais si bon, on leur faisait on la. On va aussi plein de morgues, et puis on va dire, maintenant, il faut rembourser la CAF. Ah, ça va pas être pareil. Là. Ça va être difficile. Hein. Si on leur faisait payer la facture pour Saint-Denis, effectivement, ça serait assez salé. Rien que Saint-Denis, hein, t'es gentil. Sans parler des dommages moraux. Ah ben bah oui, dommage, sur des siècles, effectivement. Rien que Taubira, les invasions musulmanes, la piraterie, l'esclavage, enfin bon, on peut faire toute une liste comme ça de choses qu'il faut rembourser, hein. Ça risque de coûter cher. Il n'y a pas de problème, on peut jouer à ça, c'est vrai que... Et puis des dédommagements aussi, parce que les Blancs ont mis fin à l'esclavagisme, on devra être payé pour avoir fait ça. Puisqu'on sanctionne les mauvaises choses, il faut aussi récompenser les bonnes. Donc comme c'est nous qui avons mis la fin à l'esclavage, voilà, il faut nous payer. Qui avons construit aussi les infrastructures dans tous les pays d'Afrique où il y en a encore. Et je veux dire, c'est vrai qu'il faut nous remercier quelque part. Bon, ouais, mais nous, on n'a pas construit des vaisseaux spatiaux pyramides, tu vois. Alors que... C'est vrai. Merde, c'est vrai. Là, t'as raison, t'as un point. Bon, discussion ouverte sur l'échelle des réparations que les nègres nous doivent. Rubrique numéro 3. Banlieue patriote, hein, ceux qui ont de l'humour ont compris le petit clin d'œil. Ça se passe à Évry, chers amis. En pleine audience, une femme met deux coups de tête au procureur. Merde. Alors, une jeune femme de 20 ans, suspectée d'avoir volé un téléphone portable avec violence et en réunion à Juvisy-sur-Orge, le 26 septembre, comparaissait jeudi au tribunal d'Évry. Mais elle s'est transformée en furie au cours de l'audience et a agressé sa victime, ainsi que le procureur qui tentait de s'interposer. Le magistrat a reçu deux coups de tête de la part de la jeune femme, celle-ci a finalement été maîtrisée par la police et placée en garde à vue. Elle sera jugée en comparution immédiate pour ses faits à Melun, où elle refoutera, je présume, des coups de boule au juge aussi. Alors, précisons quand même qu'Évry, c'est la ville de... Valls. Formidable. Formidable. Voilà. Alors, les juges rouges, effet boomerang, hein, quelque part. C'est à force d'aimer le nègre, le bougnou, le... Le nègre t'aime aussi, quoi. C'est comme ça. Oui, ils sont faits pour se rencontrer, moi, je trouve. Là, il y a des gens, tu vois, ils ont un karma, ils sont faits pour s'aimer, quoi, tu vois. Et il n'y a rien à faire, quoi, les juges rouges avec C'est pour ça qu'en fait, ils tapent aussi dur sur les nationalistes, les identitaires, ou même, je veux dire, le petit gars, tu vois, qui est le petit blanc, qui s'est défendu, genre, je sais pas, quelqu'un qui est chez lui, qui se fait agresser, qui ose repousser le malfaiteur maghrébin. Quand tu vois, tu sais, les... parce qu'il faut voir les procureurs à l'œuvre. Hein. Les procureurs, ces gens-là n'ont rien de différent par rapport à Fouquier-Tinville. Hein. C'est des salopes intégrales. Et quand tu les vois accabler le petit blanc, c'est parce qu'en fait, à longueur d'année, ils se tapent du rhum, ils se tapent du clandestin, de l'algérien agressif et tout. Sauf que leur idée, leur idéologie profonde, c'est de penser que ces gens sont des victimes. Les agresseurs sont des victimes, a fortiori si c'est des immigrés. Et quand ils tombent sur un petit blanc, tu vois, qui a défendu son truc, ils disent « Ah, regardez-le, le putain, toi, tu vas manger cher, toi. » Et c'est ce qui se passe, quoi. Et ils en conçoivent une haine, hein. D'expérience, je peux vous le dire. Faut voir ces sacs à merde. Je déteste les magistrats, en règle générale. Je présume qu'il y en a un ou deux dans des recoins qui sont encore réglo, mais ça doit être rare, parce qu'il y a un sacré paquet d'ordures communistes chez eux. Enfin, marxistes, socialo-gauchistes, centristes mous, à tendance tapette. Enfin, c'est vraiment hideux, hein. C'est franchement hideux. Bon, bah, Valls, belle réussite sociale. C'est dommage, parce qu'avec sa politique de peuplement, ce qu'il avait mis dans les cartons, là, c'était prometteur. Hein. C'était l'évrisation de la France, quelque part. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus, sur ces... le coup de tête au procureur à Évry? Non, je pense que ça illustre bien la gentillesse bougnoulique. Ah ouais, faut quand même faire attention avec les animaux, tu vois. T'as des animaux dangereux, bah, il faut faire gaffe. Hein. Dire avant de les manipuler, faut les anesthésier. Et puis bon, quand ça devient trop dangereux, faut penser à l'euthanasie. Faut leur mettre une muselière, hein, ça mord ces bestioles. Non mais j'imagine en plus, parce que... là, c'est moi qui spécule, donc c'est peut-être pas le cas. Enfin, ça me paraît quand même être ça. J'imagine très bien la beurette en jean, comment dirais-je, en jogging basket, qui parle avec un accent horrible, qui te dirait « Toi, nique ta mère !» Enfin, j'imagine le truc, quoi. « Nique ta mère !» Paf, paf, deux coups de tête. La fille, parce que c'est ça, beaucoup de filles. En fait, dans les banlieues, c'est ça quand même, c'est quand même assez récurrent. Tu n'as le choix. Si t'es une fille... issu de l'immigration, pour ainsi dire, tu n'as que deux choix. Soit tu deviens musulmane pratiquante, t'es couverte des pieds à la tête. La bâche. Voilà, la bâche, et du coup, la pureté de ma sœur, touche pas à ma sœur, toi. Ou alors, tu te comportes comme un mec, c'est-à-dire que tu craches par terre, tu marches, tu fumes, t'as un chewing-gum, t'as un putain de piercing dans le nez. Généralement, ça va du second cas au premier, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, le crache par terre, ça fait caca partout, ça se fait... ça se fait enculer par des nègres sous prétexte que Bilal était noir, et puis paf, une fois qu'elle est bien salie, je mets le voile, j'ai retrouvé la foi, etc. etc. Pour avoir un mari aussi. Bah, oui. C'est pareil comme chez nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, le pauvre, même les maghrébins, ils ont leur cassos à gérer. Quoi. Enfin, eux, il y a un truc pour eux, c'est qu'ils peuvent se rattraper en les bastonnant, ils peuvent le faire. Alors, je m'explique, parce qu'il y a des gens qui vont dire ce que je veux dire. Non, parce qu'ils vont dire, que j'appelle à bassonner ces femmes. Ce que je veux dire, c'est que les gonzesses qui ont fait n'importe quoi, le mec, il va souffrir, mais en islam et dans la communauté musulmane, l'usage de taper sa femme est très répandu, donc le type va pouvoir quand même, d'une certaine façon, évacuer un peu sa frustration. Alors que nous, qui sommes des blancs, effectivement, on ne tape pas nos femmes. Et, bon, je le précise, quand je dis on ne tape pas nos femmes, j'invite personne à taper sa femme, évidemment, on respecte les femmes. Mais enfin bon, voilà, disons que... voilà, elles ne peuvent pas s'en sortir comme elles veulent. Ça explique peut-être la polygamie aussi, je sais pas. Il y a un proverbe arabe qui dit que si tu frappes ta femme et que tu ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave parce qu'elle, elle le sait. LOL. Il y a quand même de la sagesse. Oui, la sagesse biblique, le peu de sagesse qu'on peut en retirer, effectivement. Rubrique numéro 4, chers amis. Dernière rubrique avant la pause. Élection pestilentielle. Ah, c'est vrai que ça devient de plus pestilentiel. Chaque jour qui passe, c'est un peu plus. On avait parlé du Penelope Gate, c'est-à-dire des révélations sur l'emploi fictif supposé de la femme de François Fillon par François Fillon en tant qu'assistante parlementaire. Très fantomatique d'ailleurs, hein, voilà. Bon, entre-temps, perquisition à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça a été vraiment enfin, toute la semaine, il y a eu un nouvel épisode, un nouveau truc. Ah, savamment... relayé par des médias, dont BFM TV, hein, qui visiblement a choisi son camp, hein, ils ont l'air de voter Macron, en ce qui les concerne. Fillon a démenti, hein, il maintient sa candidature, peu importe, contre vents et marées, il dit, voilà, ils mentent, c'est la chasse à l'homme, l'idée c'est la chasse à l'homme, c'est scandaleux, etc. Il répond pas trop sur le fond, là. Il dit, oui, c'est pas vrai, voilà, mais bon, voilà, mais c'est surtout odieux, on veut me voler mon élection, voilà, c'est ce qu'il dit. Hein. Les sarkozistes tirent à vue, Rachida Dati, assassine la beurette, assassine, tire... terriblement, Guénaud aussi, ça y va aussi. Dati et Guénaud, il y a quand même un point commun entre les deux. Quand même. Alors déjà, ils sont très très bruns. Ils sont très très bruns, voilà. Je trouve. C'est curieux. Alors, qui veut réagir sur ce truc vraiment hallucinant? Jamais vu, hein, je veux dire, dans une élection présidentielle, enfin, à ce stade de l'élection, ouais, jamais vu, quoi. Ben, en plus, on a Fillon qui a été élu, qui a été bien élu pour la primaire, quoi. Il a eu, je sais plus, c'était... 4 millions et demi de gens qui se sont exprimés, hein. Voilà, 4 millions et demi de gens qui se sont exprimés pour la primaire, il avait eu 60%, donc au moins 3 millions. Et donc là, même au niveau des mecs du parti, s'ils veulent le virer, remplacer par quelqu'un, ils sont emmerdés parce que voilà, il y a eu quand même ce vote-là qui légitime sa candidature. C'est le gros bordel, c'est le gros bordel dans la droite classique, on va dire. Il y a un truc aussi, un détail, c'est qu'il faut savoir. Je suis tombé de ma chaise. J'ai lu ça sur Libération et Mediapart. C'est qu'en fait, le micro-parti de François Fillon capte les donations des sympathisants des Républicains. C'est pas les Républicains qui touchent les dons. Et c'est pas les Républicains qui ont cumulé l'argent de la primaire, je crois. Ah, l'argent... D'accord. Ouais. Donc, probablement, ils avaient monté un truc, ils s'étaient accordés. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, enfin, c'est l'histoire, l'histoire des micro-partis. Bon, tout le monde le fait, hein, socialiste, ouais. Même le... Je crois que le FN aussi, hein, aussi bien national. Sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour des histoires de plafonnement des dons. Quoi, hein. Tu peux pas donner à un parti plus de temps par an. C'est, voilà. Ouais. Donc en fait, tu fais plusieurs parties pour avoir un financement plus important. Ouais. Et comme quoi la législation est mal foutue. Ouais, mais Fillon, du coup, a la cagnotte. Et du coup, même si les Républicains voulaient s'en débarrasser, ils peuvent pas le faire sans son accord. Ouais, c'est parce ça. Parce que c'est lui qui a le trésor de guerre. Alors là, c'est pour ça qu'ils sont complètement paralysés, parce que même s'ils voulaient putcher, il faudrait trouver l'argent pour mener une campagne. Enfin, c'est un truc jamais vu. Et alors là, je sais pas, j'ai envie de prendre vos avis là. Le fait qu'ils se maintiennent, est-ce que vous trouvez que c'est normal que le gars se maintienne D'abord, est-ce que vous pensez que l'affaire. Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a une affaire? Est-ce que vous pensez que le mec a raison de se maintenir contre vents et marées? Et même, en fait, d'après vous, c'est quoi l'effet là Moi, je pense que c'est. Enfin, moi, à mon avis, à chaque jour, plus il reste, plus il se maintient, plus il est en train de laminer son propre parti. Mais bon, c'est une observation personnelle. Ouais, mais à mon avis, il ne peut pas faire autrement. Quoi. Parce que, comme tu as dit, en face, même. Enfin, là, c'est quoi? On est en février, c'est dans 2 mois le premier tour. Donc, il est là, il faut qu'il y aille maintenant. Hein. Après. Ça ressemble un peu à Stalingrad, le truc, là, malheureusement. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ils sont encerclés. Voilà. Au niveau politique, ça peut être une bonne opportunité pour Marine Le Pen. Ça serait bien qu'elle se laisse pas porter juste par le truc à dire j'ai pas besoin d'être bonne, ça y va tout seul. J'ai vu ça hein, là, apparemment, c'est les échos de campagne au Front National, c'est-à-dire on y va, les doigts de pied en éventail, on va gagner, enfin gagner. On va faire des bons scores. On peut être nul, on s'en fout quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça serait quand même bien qu'il fasse des efforts pour faire s'il passe le premier tour, faire un bon score au second tour et pas faire se contenter d'un petit tiers, voilà, essayer de faire d'approcher au moins les 40. C'est vrai que c'est le bon. Ouais, c'est la seule chose que je vois parce qu'après effectivement bon, pas grand chose. L'histoire en elle-même, le Penelope Gate, etc. Donc le mec s'enrichit à titre personnel, enfin en tout cas par sa femme. C'est moins grave que du pot de vin, c'est pas non plus effectivement joli, mais voilà, c'est pas ce qu'on peut avoir sur par exemple des marchés publics pour des constructions de stades, etc. Hein. Oui, mais l'affaire en elle-même, je parle de l'affaire en elle-même, bien sûr. C'est pas pareil que tu vois les grosses, on a vu ça hein, dans le sud de la France, le stade de Nice, etc. C'est déjà moins joli quoi. Mais voilà, bon, juste ça. Bah l'impact est désastreux parce que le mec a posé dans Paris Match dans son jardin avec son château. Bon, moi je suis pas communiste, hein. Je veux dire, si quelqu'un a travaillé dur dans sa vie, qu'il a un château formidable pour lui, je m'en fous. Mais si tu poses devant ton château et que derrière, tu vois, il y a une affaire comme ça dans l'opinion publique, parce que les gens, c'est tout ce qu'ils retiennent, faut bien comprendre. C'est sûr qu'au niveau rigueur personnelle, tu vois, parce que le mec, il passait un petit peu pour un asset, tu vois, et il communiquait là-dessus, homme de famille, asset, donc voilà, il faut se serrer la ceinture, il avait l'image, genre, moi aussi, je me serre la ceinture, bon, là, c'est mort, quoi, hein. Il avait fait une campagne jusqu'alors c'était une sans faute. Là, c'est le sacré bordel. Hein. Bah ouais, parce que tu vas. Parce que les mecs qui bossent, payent des impôts comme pas permis, ils se font chier, ils triment. T'as le fisc, parce que le fisc te tolère. Je veux dire, t'as 200 euros de retard au fisc, le fisc, il te les passe pas. Hein. Là où ça va surtout se voir au niveau électoral, à mon avis, c'est dans les campagnes, les agriculteurs. Ouais. Les agriculteurs, là, ils vont tous voter Front National. Hein. Ouais. Les mecs tirent la langue hein, en masse. Voilà, ça va pas passer chez eux. Il y a aussi une autre information. Si quelqu'un veut d'autre réagir entre temps, n'hésitez pas. Hein, si quelqu'un veut dire. Ouais, moi je vais peut-être y aller. Bon, il y a un vieux dicton républicain qui dit à 50 ans, si t'as pas ton propre faux attaché parlementaire, t'as raté ta vie. Ouais, bon, c'est voilà, ça. Ouais. C'est une histoire un peu cousue de fil blanc. On sait très bien qu'ils ont tous un faux attaché parlementaire. On sait très bien qu'ils tapent tous dans la caisse. ce qui me fait rire, moi, beaucoup, c'est qu'il s'était positionné un peu au début comme le mec qui allait remettre la France au travail, tu vois. Ouais. Bon, les mecs, il va falloir vous serrer la ceinture, hein, va falloir bosser. Hein. Et bon, le type, voilà, il s'est fait gauler comme une merde. Bon, c'est très hypocrite de sa part. En même temps, on n'est pas étonné. Mais bon, comme c'est sorti, les gens, voilà, vont forcément réagir. Et... Bon, moi, je trouve ça cousu de fil blanc. La démocratie est un régime très corrompu, on le sait, et bon, je suis pas étonné. Dans la, on va dire la bourgeoisie, enfin la petite bourgeoisie française, l'eau de la classe moyenne qui a élu François Fillon aux primaires, enfin le népotisme familial, c'est quelque chose de très connu. Hein. Il y a beaucoup de patrons de boîtes de 20, 30, 30 gus. Qui embauchent leur bonne femme comme secrétaire, entre guillemets, sur des postes à moitié fictifs, où elle est là. Hein. La France, c'est quand même un putain de pays de fils d'eux. Hein. C'est... Ouais. Fils de pute, c'est ça que tu veux dire. Oui. Non, je déconne. Non, que ceux qui nous écoutent, disent, non, c'était une blague. Non, mais il y a par contre un point commun entre François Fillon et Benoît Hamon, du coup, c'est qu'en fait, François Fillon défend le revenu universel, en fait. Ou alors il défend le salaire maternel, peut-être il est plus vers la France nationale. Voilà, c'est progressiste en fait, faut pas mal le prendre. Quoi. Voilà, 5 000 boules par mois comme de salaire maternel, ça c'est, ah, bah, c'est pas mal. Avec ça on relance la natalité, attention. Ah putain, oui. Oh là là, mes amis. Alors, donc, je vous dis, là, ça c'est les potins. C'est le journaliste Jean-Paul Ney. Qui détient une information, et ça c'est lui qui le dit, qui serait validé par le père de Caroline Morard, qui est son assistante parlementaire actuelle. Donc la vraie, alors c'est... Non mais c'est un vaudeville le truc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la fausse, c'est Pénélope, et puis il y a la vraie, c'est Caroline Morard. Donc le père de Caroline Morard a confirmé auprès de ce journaliste cette affaire, plus deux cadres des Républicains. Closer aurait des photos compromettantes entre Fillon et Morard. Donc en fait, a priori, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Morard et Fillon couchent ensemble depuis très longtemps, etc. Enfin, depuis quelques années, bon, depuis 5 ans à peu près. Et donc, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est une histoire de cul, on s'en fout. C'est vrai, bien sûr, moi j'en ai rien à foutre. Je veux dire, si Fillon a une maîtresse, c'est pas mon problème. Sauf que, qu'est-ce qu'il a dit François pour sa défense la semaine dernière ? Il a dit j'aime ma femme. Il a dit, voilà, ma femme est attaquée, on m'attaque, on attaque ma famille, on attaque ma femme, j'aime ma femme. Donc, il joue la carte. Du protecteur, de celui qui dit, voilà, je suis sous les assauts des manipulateurs. Et en fait, il y a une maîtresse qui est assistante parlementaire, et donc il aurait doublement menti, vous voyez. Et là, je pense qu'au niveau de la crédibilité, parce que c'est ça qui est en jeu, de la confiance, de la crédibilité, là, c'est encore un autre coup. Alors, on ne sait pas s'ils vont les sortir. Je pense que ça, c'est... alors, il y a des gens qui disent ça, et ils ont raison. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent « Attendez, c'est un peu gros, le truc qui sort maintenant. » Évidemment, on sait très bien que c'est pas... On sait très bien qu'il y a l'Élysée derrière, on sait très bien qu'il y a Macron dans le coup. C'est téléguidé, le machin. On le sait, c'est évident. Bon. Mais c'est pas parce que c'est pas téléguidé que le candidat Fillon n'était pas faiblard à la base. C'est aussi vrai. Je veux dire, ils attaquent en dessous de la ceinture, d'accord, mais si le mec était faible, c'est pas de bonne guerre, mais presque, quoi. Je veux dire, le mec était... Je pense qu'il était tellement habitué, il s'est même pas rendu compte. Et donc, ils ont cette cartouche aussi, quoi. Donc, ça risque... Alors, on ne sait pas s'ils vont la sortir, mais a priori, vraisemblablement, en fait, ils attendent de voir comment Fillon réagit aux premières attaques, là. Et si le type persiste, je pense que ce n'est pas interdit d'imaginer qu'ils vont déballer encore plus le truc. Voilà. Bon, enfin bon, c'est des histoires personnelles, hein, mais comme je dis, c'est pas l'histoire sexuelle en elle-même dont tout le monde se fout, c'est l'histoire de la confiance. Alors ouais, ça risque de jeter un trouble. Enfin bon, on verra. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou non? Et on fait une pause et on se retrouve après. La France, quoi. La France, ouais, non, c'est la pause élection pestilentielle, mais enfin bon, c'est quand même du jamais vu. Là, on est quand même face à un bordel inouï. On a Mélenchon... Déric, je pensais à toi justement là-dessus. Oui. Dans les candidats de ces élections présidentielles, j'ai vu ça sur Twitter, on a Mélenchon qui a réagi à une... je crois que c'est une proposition de loi qu'il a faite, ou un amendement sur un projet de loi du député Benoît Hamon et candidat à l'élection présidentielle, qui a demandé à ce que les immigrés qui n'ont pas été naturalisés puissent voter aux élections. Ça date de hier, je crois, hier ou aujourd'hui. Ce à quoi a répondu sur Twitter également le brave Jean-Luc Mélenchon, né au Maroc, faut-il le rappeler, de parenté douteuse, hein, notre ami Mélenchon, hein, avec l'œil bizarre et le trait un peu pâteux, je trouve, a réagi et il a dit qu'il se félicitait grâce à cet amendement, on mettrait un terme à cette horrible expression « français de souche ». Qu'est-ce que t'en penses, cher ami? Qu'est-ce que t'en penses de cette coalition anti-souchienne de la part de Hamon et de Mélenchon? Ça te parle ou quoi? Ah bah c'est la réconciliation entre le socialiste et le communiste. Et l'ancien socialiste, en fait. Hein, parce que les deux sont de la même maison. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des bruits, est-ce qu'ils vont faire front commun, oui. Ou vous allez tous les là, deux je peux briefer là-dessus. Mélenchon a répondu en YouTube, il a répondu, parce que Benoît Hamon, en gros, il a dit, voilà, moi je suis candidat et tout, machin, je vais pas me désister, mais je suis ouvert à une discussion avec Mélenchon. Donc en gros, Mélenchon rallie ma candidature, on fait un truc, quoi. Et Mélenchon a répondu, alors il a pendant 10 minutes, sa vidéo qui dure, il a fait des circonvolutions. Mais en gros, il a dit non, je maintiens ma candidature parce que PS et que tu vas investir pour les législatives des tocards qui sont des mecs, qui sont des réactionnaires à la solde de la finance internationale, non juive, visiblement. C'est pas possible, donc non. Mais je suis ouvert à une discussion avec toi, etc. Donc, et c'est pour ça que Mélenchon a retweeté. Alors, ils ont retweeté sur quoi? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les points de jonction les points de jonction et de négociation entre Mélenchon et Hamon, ça se passe sur quoi? Sur le combat contre les Français de souche et le droit de vote aux bougnoules et aux nègres. Ah, c'est la grande tradition gauchiasse. Et puis aussi le côté, tu sais, en effaçant des mots de la Constitution, on va changer le monde. Disparaître la réalité, quoi. C'est fascinant, c'est, hein. Ils sont quand même impressionnants, les mecs. C'est parlant, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, bah, je sais pas, les gauchistes dégueulasses que Mélenchon agite vont discuter avec l'aile gauche du PS menée par Hamon sur des points comme, je sais pas, interdire la propriété privée, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Non, c'est les bougnoules, quoi, tu vois, il y a un aimant, tu vois, un aimant à merde, c'est quand même assez fascinant, quoi. Et bon, bah, à suivre aussi cette histoire-là. Moi, je propose qu'on fasse voter même les Africains qui vivent en Afrique. Quoi, qui voient. Ouais, tant qu'à faire. Voilà, il faut. Putain, faut pas discriminer. Tout le temps, là. Bah ouais, mais faut. Je sais pas. Voilà. Après, bon, les lois sur les PD, par contre, il faudra qu'ils fassent gaffe. Hein. Oui, c'est vrai que oui, les nègres, oui, les PD, ils aiment pas trop ça. Ouais. Faudra peut-être étendre à ce moment-là au monde arabe. Quoi que ça pourrait déborder sur la zoophilie, l'enculage de chèvres, on pourrait débarquer sur des trucs un petit peu bizarres. Bon, chers amis, on se retrouve tout de suite après une pause musicale, et je pense qu'on aura des sujets intéressants à discuter. A tout de suite. A tout de suite. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de démocratie participative, saison numéro 2, épisode numéro 4. Et sans transition, je commence avec le sujet, le premier sujet de cette deuxième partie, qui est l'attaque du Louvre, attaque au couteau d'un Égyptien, visiblement. Hein. Alors ça fait la une hier de l'actualité, ça d'ailleurs... temporairement soulagé François Fillon, je présume. Je résume les faits. Hein. Là, je cite la presse. C'est un article du Parisien que je vais vous citer, me semble-t-il. Vers 10h, dans un escalier descendant dans la galerie marchande du Carrousel du Louvre, qui donne accès au musée, mais situé en amont des contrôles de sécurité, un homme armé d'une machette s'est avancé vers 4 militaires de la force Sentinelle en proférant des menaces et en criant « Allahu Akbar », a déclaré à la presse, le préfet de police de Paris, Michel Cadeau. Après une tentative pour le repousser à main nue, le militaire le plus proche, semble-t-il, a tiré pour se défendre face à l'agression à 5 reprises, blessant sérieusement l'assaillant, notamment au ventre, selon le préfet de police. Samedi, son état de santé, donc de celui qui était, de l'assaillant, s'est amélioré et son pronostic vital n'est plus engagé, d'après une source proche de l'enquête. Il n'est cependant pas encore en mesure de communiquer. Lors de l'attaque, l'individu était armé de 2 machettes et transportait des bombes de peinture dans un sac à dos. Il ne portait pas non plus sur lui de pièce d'identité, mais les enquêteurs ont mis la main sur son téléphone portable. Je continue. L'identité n'est pas formellement établie, mais les premières investigations réalisées à partir du téléphone portable et sur la base de données des visas ont permis de cibler un individu âgé de 29 ans et de nationalité égyptienne. Son père, en fait, est un général de police en Égypte qui a indiqué n'avoir jamais remarqué de signe de radicalisation de son fils. Il n'est pas connu des services de police français. Son parcours est le suivant. Le 31 octobre 2016, à Dubaï, il a obtenu un visa pour un séjour d'un mois en France. Le 26 janvier, il est arrivé par avion à Paris. Son vol retour était prévu le 5 février. Il a emménagé dans un appartement du 7e arrondissement. Donc il avait quand même un appartement. Le 28 janvier, il a acheté 2 machettes dans une armurerie. Les enquêteurs ont saisi dans son logement 960 € et des visas pour l'Arabie Saoudite et la Turquie pour les années 2014 et 2015. D'après LCI, son nom est Abdallah quelque chose. J'ai pas eu le nom de famille, vous le connaissez peut-être. Hein. Les enquêteurs cherchent encore à savoir s'il a agi seul ou non. Bon, évidemment pas. Bon, avant de rentrer dans l'analyse... Qui veut dire quoi que ce soit là-dessus, sur cette agression au couteau au Louvre? Ah bah, je remarque qu'il avait un appartement et tout, il a été plutôt bien accueilli. Je rebondis là sur ce que disait la négresse de la semaine, l'immonde négresse de la semaine, qui disait qu'on avait un accueil assez froid. Bah, moi, je ne trouve pas, je trouve que ces gens sont très très bien accueillis. Visiblement, oui. Et... ils nous rendent pas trop, quoi. J'ai l'impression que plus on est gentil avec eux, plus ils nous en foutent plein la gueule. Hein. Effectivement, ouais, c'est parce que là, c'est un cas assez frappant. C'est du tourisme djihadiste, en fait. C'est-à-dire que le mec vient d'Égypte, il prend un visa touristique, il arrive, bonjour, j'arrive au Louvre, paf, j'essaye de cartonner des gens à la machette, quoi. Voilà. C'est assez... Bah alors, déjà, c'est quand même bien du travail d'arabe, hein, parce que pour décagner des gens avec une arme blanche, il faut quand même être sacrément motivé, et surtout, les avoir dans un espace confiné avec aucune issue de secours, hein, parce que là, tu t'imagines bien dans un musée, tu commences à taillader quelqu'un à la machette, les gens vont courir, les issues de secours, il y a des gardes, bon bref, donc du travail d'arabe, heureusement d'ailleurs. Et puis ouais, comme disait Poporo, il y a des populations, bon, les gens qui nous écoutent, vous le savez, quoi, mais quand vous voulez parler avec d'autres personnes, voilà, il faut leur mettre devant la face que ben, toutes les populations sont pas les mêmes, hein, et que ce soit culturellement ou biologiquement, et qu'il y a des gens qui ne respectent que la force, et que ces gens-là, lorsqu'ils voient les sociétés européennes complètement avilisées, féminisées, tantoutisées, pédalisé, bon bah les mecs ils sont dans la cœur joie quoi, c'est comme si t'as un mouton qui est en train de saigner et que t'as une bande une meute de loups qui arrive quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est du travail d'arabe, donc on voit, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de mort en tout cas, il y a un militaire blessé. Par contre, ça se passe au Louvre, destination éminemment touristique, Donc un bouilloule qui fait n'importe quoi en plein Paris, etc., etc. Et ça, c'est, écoutez, ça, moi, ça me réjouit. Ah bah ça va enfin redorer le blason de la ville de Paris, quoi. Voilà. Merci à Hidalgo, effectivement. Ah bah, là, on peut se plaisir aux Chinois qui déjà ne venaient plus. Voilà, il faut que, bon, enfin, ils viennent encore trop à mon goût, parce que, enfin, ils devraient pas venir, quoi. Hein. Il faut que ces putains de Parisiens de merde qui votent à gauche, voire extrême gauche, voire écologiste, etc. Faut qu'ils payent, quoi. Donc il faut leur couper les vivres, hein, pour un boycott de cette ville du diable. Et donc voilà, j'espère bien que le tourisme va baisser drastiquement suite à cette irruption bougnoulique à la pyramide du Louvre. Alors, moi j'ai envie de dire deux trucs. Ça paraît évident que l'affaire elle est soigneusement orchestrée parce que le gars a voyagé. Il y avait une logistique derrière, il y a un appartement, le mec arrive. La machette, en fait, je pense qu'ils n'avaient pas dans l'idée de faire un maximum de dégâts. Ils voulaient juste faire la une des titres, ça a bien marché. Donc ils se sont dit, même une attaque mineure à l'arme blanche, si on arrive à tuer une ou deux personnes au Louvre, ça suffira amplement. Parce que effectivement, le Louvre à Paris, c'est un des endroits les plus touristiques avec la Tour Eiffel, pour ainsi dire, quoi. C'est-à-dire que tous les touristes, notamment asiatiques... qui vont visiter Paris, vont au Louvre. C'est la destination évidente, avec, on va dire, les sites plutôt de vue, de prise de photo, quoi. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, les mecs. Et donc, ça paraît débile, hein, a priori, qu'ils aient des machettes, mais en fait, l'idée, c'était de ne pas être repéré. C'est pas d'avoir de gros matériel sur soi, etc. On arrive sur place, on a un petit visa de quelques temps, bing, bing, hop. Le mec venait d'Égypte. Donc, ça veut dire que c'est un truc... qui est bien pensé à l'avance. Et ils n'interviennent pas n'importe quand. C'est pendant la campagne présidentielle. Donc je pense qu'il y a derrière ça un calcul plus large, et je n'écarte pas, pour ma part, la possibilité d'autres actions dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, de la part des groupes djihadistes ou islamistes. À mon avis, il y a quelque chose, peut-être que pas, d'ailleurs, peut-être que c'est faux, mais... C'est peut-être le premier gazier qui vient de débarrouler, et il y a peut-être des signaux qui ont été donnés pour frapper la France maintenant le plus possible. Alors on va peut-être avoir une, deux, trois attaques, je ne sais pas. Mais à mon avis, bon, il y a de ce côté-là. Alors pour revenir sur le tourisme, il faut voir que la photo qui a été prise durant l'assaut du bougnoule, qui a été maîtrisée donc par quatre parachutistes, je crois, hein, semble-t-il. Hein. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. A été prise par la guide d'un groupe de touristes chinois. Ils étaient 34. Alors imaginez, quoi. Autant dire qu'en Chine ça va circuler. Donc comme vous l'avez très bien dit, comme tu l'as très bien dit, Derek, voilà. Alors là, l'image de la ville de Paris, voilà, sous Anne Hidalgo, candidate aux Jeux Olympiques de 2024. Hein. Ça va marcher, quoi. Évidemment. Bah oui, tu peux te faire égorger au coin de la rue par un bougnoule, par un Algérien schizophrène converti au djihadisme il y a 15 jours, ça va mettre en confiance les gens. Tu vois. Là, tu as envie d'envoyer ta population pendant 2 semaines, tu vois, se balader dans les rues de Paris. J'y crois, voilà. Beaucoup. Ouais, ça. Aller, enfin, et puis, dans les rues de Paris, puis découvrir la région. Quoi. Qu'est-ce que vont aller foutre les gens qui viennent chapelle, voir des... Oui, ils vont prendre le RERD, c'est ça. Ils vont prendre le RERD, aller voir la faune, le zoo de Grigny. Tu vois. Le zoo humain, ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi, je veux dire. Alors, du coup, la Tour Eiffel, là, maintenant, c'est toutes les semaines qu'ils vont allumer la Tour Eiffel. ça va plus s'arrêter, ça. À chaque fois, ils mettent les couleurs du pays. Mais je note un truc, quand même, il avait des bombes de peinture, j'imagine qu'il voulait s'en prendre aux œuvres d'art, ce qui est pas con. Ouais, ouais, bien sûr, ça, c'est bien vu. Ouais, j'ai effectivement, les bombes de peinture, c'était évident pour dégrader. Et ça montre ce que c'est, ces gens, quoi. C'est-à-dire, ces types sont des... Je veux dire, qu'on vienne pas me casser les couilles avec les pyramides d'Égypte. C'est terminé, les pyramides d'Égypte. Voilà, il y a eu une invasion arabe, maintenant, c'est juste des bougnoules par millions. Ça ne produit rien, et les types n'ont juste qu'une seule idée en tête, c'est de détruire tout ce qui ressemble à quelque chose de civilisé, quoi. Et voilà, donc... alors, évidemment, il y a des calculs politiques, je suppose, hein, s'ils envoient... Mais ils font ça en Égypte aussi. C'est ça qui me fait dire qu'il y a peut-être autre chose. Parce qu'en Égypte, les islamistes... Il y a les politiques, mais il y a le fond... Oui, bien sûr. Voilà, il y a le fond de la population qui effectivement est très encline à tomber là-dedans. Il y a deux tendances, parce qu'il y a le salafisme qui veut détruire toutes les cultures autres que l'islam. Et puis il y a aussi, je pense, chez eux, un rejet viscéral de l'Occident et de tout ce qui symbolise est blanc, l'Occident. Ce qui est blanc. Donc, l'attachement à l'art aussi. Bon bah voilà, les Occidentaux aiment l'art, alors nous on va casser les statues, quoi. C'est aussi con que ça. Hein. Ouais. Mais là, ce qui me fait dire un truc, c'est que les islamistes là-bas en Égypte procèdent de la même façon contre. Parce que là-bas, vous avez le choix, hein. Soit c'est les islamistes, soit c'est l'armée égyptienne. Hein. Et ils attaquent régulièrement les touristes qui viennent en Égypte, parce qu'ils savent que c'est une des mannes principales pour le gouvernement. Et il y a eu déjà dans le passé des attaques entre les touristes qui viennent visiter les pyramides, etc. Donc quand vous voyez des gugus qui viennent d'Égypte, qui sont payés par allez savoir qui, probablement des trucs vraiment, qui ont été dans le Golfe, qui ont été en Turquie, etc., et que vous les voyez débarquer et qui visent le Louvre, vous savez que c'est une attaque à caractère économique. En plus de l'image, bien sûr, l'image évidemment, mais c'est clairement une attaque économique. Parce qu'ils se disent, là on fait mal. Là, on fait mal. Là, les gens. Venez au Louvre, vous faire égorger. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que les bougnoules, dans leur délire, ont un délire construit. Donc, déjà, ça, il faut clairement le retenir dans ce truc-là. Hein. Comment dire Alors, dans la foulée, bon, on a parlé du tourisme, effectivement. Bon, ça, c'est fait. Je ne sais pas quels seront les retombées. Enfin, ça avait beaucoup baissé, d'ailleurs, avec les attentats là, ces deux dernières années à Paris. Je crois que quelqu'un a une idée des chiffres Il y a eu une baisse quand même significative. Hein. Du tourisme Ouais, à Paris, hein, je dis. C'était des chiffres assez importants. Hein, de l'ordre 10%, je crois. Même un peu plus, je crois. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Hein. 10% d'un chiffre, c'est quand même pas rien. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est vrai qu'il faudrait du moins 75, je suis d'accord avec toi. Mais ouais. J'ai le chiffre. Alors c'était effectivement 6%, je pensais que c'était plus. Mais. Moins 10, c'était sur les réservations d'hôtels alors. Je sais plus. Ouais, mais j'ai un pote, moi, qui est dans tout ce qui est restauration, machin et tout. Et il me disait qu'à Paris, les mecs ont perdu 50% de chiffre d'affaires hein, à cause des attentats de janvier dernier. Et ça m'étonne pas. Hein. Donc, qui dit les restos qui font 50% de chiffre d'affaires en moins, dit, ben, par exemple, tout ce qui va être autour, quoi, c'est-à-dire le vin aussi, hein, la bière, les denrées, tout ça, ben, ça. Donc c'est un coup, quoi. Ils sont malins parce que, tu vois, la France, il n'y a rien à faire politiquement, c'est Paris. Je veux dire, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lyon, c'est pas Strasbourg, c'est Paris, quoi. Ils visent à la tête. En Allemagne, c'est pas pareil, tu vois. En Allemagne, tu vois, il n'y a pas vraiment une capitale. Il y a Berlin, mais Berlin, c'est pas la plus grosse ville. Tu peux taper à Francfort, Stuttgart, Munich, voilà. La France, tu tapes à Paris, t'as un truc mondial. Précisément, tu tapes des touristes. Bah, automatiquement, la Chine va en parler, les médias... Trump en a parlé. Là, on va arriver sur Donald Trump. Trump a tweeté sur le cas, et normal, et dans une... On va parler d'ailleurs de sa politique, juste après, dans le deuxième sujet. Mais il a rebondi sur le truc en disant, bah voilà, regardez. À Paris, donc il s'adresse au public américain. Imaginez, le président des États-Unis tweet sur l'attaque du Louvre, et il dit au public américain, 330 millions de gens, bon, vous enlevez les nègres et les métèques, bon, ça laisse quand même 200 et quelques millions de blancs, il dit, regardez, voilà, Paris, vous allez au Louvre, vous faites poignarder par un bougnoule hystérique, il faut être intelligent. Il a dit, les États-Unis doivent être intelligents maintenant, on doit être malin, on doit être intelligent. Donc il faut arrêter avec le délire gauchiste. Honnêtement, pour l'image de la ville de Paris, mais au niveau mondial, c'est catastrophique. Et ce qu'on peut dire, c'est que ni le gouvernement français... ni la mairie de Paris ne tire aucune espèce de conclusion. Les types sont en fait, ils sont entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire entre d'une part l'énorme industrie du tourisme à Paris, et deuxièmement, leur population, leurs chers compatriotes, c'est-à-dire toute la faune bougnoulo-nègre qui pullule dans cette ville maudite quand même. Désolé aux Parisiens qui nous écoutent, hein, c'est pas contre vous, mais compte tenu du peuplement de la ville de Paris et de sa région, c'est quand même assez terrifiant. C'est voilà, ils sont coincés quoi. Ils sont coincés entre les bougnoules et les blancs quelque part. Fred, dans l'évier, vas-y. Qu'est-ce qui t'inspire quoi? J'ai envie que tu me parles un petit peu de la ville de Paris. Qu'est-ce que vu des États-Unis Non, mais moi aussi, peut... je suis fidèle à ma position de vitrifier tout ça et de voilà. Hein. Pour moi, il n'y a plus rien à sauver là-dedans. C'est voilà. C'est un truc à... Voilà, il faut nettoyer, il faut, voilà, il faut de la purification par le feu, il faut tout ce que tu veux, mais c'est fini, hein, y a plus rien à faire là-dedans. Balançons une tête nucléaire, on est sûr du résultat. Voilà, je crois que c'est dans Alien, ça. C'est dans Alien, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est Alien, en fait, hein, je veux dire, ils sont partout, tu vois, donc c'est la seule façon d'être sûr, c'est de balancer la bombe nucléaire, quoi. Exactement, ouais. D'accord. Bon, donc après, le passage touristique, alors bon, l'actualité fait bien les choses, il y a quand même des grandes consciences françaises qui prennent la mesure des choses, et qui réagissent, et qui en appellent à tous, en fait, pour garder la tête froide, et avoir les idées claires. Et parmi eux, Thomas Guénoulet, qui est, je crois, un des plus grands intellectuels français du moment, qui nous dit, il vient de sortir un bouquin, hein, qui s'appelle l'islamopsychose. Alors c'est ce qu'il dit, l'islamopsychose, représentation collective délirante que la société française se fait de l'islam français. Alors je cite, hein, c'était sur F2Souche, le site F2Souche qui nous livrait donc des extraits de ce futur bouquin, enfin de ce bouquin qui est publié, paru, quelques jours donc, hein, deux, trois jours avant peut-être l'épisode du Louvre. Voici ce que nous dit ce politologue français. Thomas Guénoulet vient de publier Islamopsychose, dont je vous donne le titre. Parmi ses propositions, supprimer les jours fériés liés à des fêtes catholiques. Putain, c'est... Alors, entre haine et paranoïa, la société française se fait de sa minorité musulmane et de l'islam français une représentation collective délirante, délirante, c'est-à-dire déconnectée de la réalité. C'est ce que Thomas Guénoulet appelle l'islamopsychose. Il s'attelle, dans ce livre, à pointer les erreurs et à déconstruire les préjugés assénés sur ces sujets par Manuel Valls, Gilles Kepel, Éric Zemmour et bien d'autres. La France a toujours oscillé envers ses minorités entre l'acceptation, la diabolisation et la persécution. À l'égard de sa minorité musulmane, le pays a aujourd'hui atteint un dangereux point de bascule entre diabolisation et persécution. Alors on persécute les musulmans en France, les gars. Voici ce qui voilà une citation, hein, du 7 juillet 2015 de notre ami Thomas Guénoulet. Ça résume le personnage, hein. Non, déchristianiser les jours fériés n'est pas un délire. C'est pour toi, Magdav. Magdav, qu'est-ce que tu penses de Thomas Guénoulet, qui donc en ces périodes d'attaque à la machette islamo-bougnoulique nous propose en fait de supprimer les jours fériés catholiques et d'accepter l'islam? C'est Thomas Guignolé, c'est Guignol. Il a une tête de Guignol. Il est déjà affreusement laid. Je pense que c'est un lien. Et c'est vraiment, c'est un dhimmi. C'est une saloperie de soumis. Et très franchement, ce genre de type, si jamais l'un de nos auditeurs le croise, je pense qu'il faut lui mettre sa sale face de dhimmi en face. Un putain de soumis, mais franchement, on veut dire, faut quand même arrêter de rêver. En France, il y a pas d'islamophobie d'État. Hein, je veux dire, les musulmans sont quand même relativement bien vus. La presse nous fait les louanges de l'islam quotidiennement. Et quand un écrivain sort un bouquin qui est quand même somme toute assez gentil, et voire même, assez caustique sur la façon dont on se soumet à l'islam. Tu fais référence à qui là? Ouais. Je fais référence à Houellebecq il y a 2 ans quand il a sorti son bouquin Soumission. Le jour des attentats Charlie Hebdo d'ailleurs, hein, faut le préciser. Ah ouais, ça c'était fantastique. Et je suis désolé, mais il y a peut-être eu un attentat au Canada, mais pour l'instant, les actes de représailles, ça se limite à 2 tranches de jambon glissées dans 3 mosquées. Et quand ça se fait, c'est un drame d'État. Donc, il n'y a évidemment aucune islamophobie d'État en France. C'est totalement faux. Personne n'appelle au choc des civilisations. C'est une blague. Il faut arrêter de rêver. Et nous aussi, quand même. Nous, on appelle, mais on n'a pas, pas encore le contrôle de TF1 ni de France 2. Quoi. C'est un fait. Hein. Ouais, pas encore, on sait jamais, hein. Il pourrait peut-être se passer quelque chose, Trump pourrait débarquer en France pour virer les musulmans, ce serait intéressant. Non mais c'est vrai que c'est... Non mais c'est délirant, c'est-à-dire qu'en fait les types, tous ces gauchistes, c'est les politologues, c'est Guénoulet, alors le type doit être, on sait même pas par qui, des salariés, voilà. Mais il est dans les grands médias, et le mec dit... parle aux gens, enfin, je veux dire, au grand public. Il dit, voilà, vous ne comprenez pas la réalité, vous décrivez quelque chose de complètement délirant, les musulmans sont persécutés en France, tu vois. Et toi, t'es là, dans ta télé, tu vois, tu comptes les morts, tu comptes les morts, je veux dire, c'est un peu plus d'un an à peine après la boucherie du Bataclan, quelques mois après la boucherie de Nice, quelques jours dans le truc du Louvre, tu as la criminalité arabe, pour ne parler que de la France. C'est-à-dire que si on parle des attentats aux États-Unis, parce qu'il y a eu des attaques aux États-Unis, pour parler en Allemagne, la tuerie de Berlin aussi, de voir ce type te dire « Vous critiquez l'islam, monsieur, vous stigmatisez, mais vous parlez d'une réalité délirante. » Ce genre de type évolue en toute impunité. Et plus que ça, il est promu par l'État, les services gouvernants. Quand le mec va sur France 2, ou je sais pas, les grands médias, parce que tous les médias, enfin la presse écrite, les radios, tout ça est contrôlé par l'État. Ouais, je crois qu'il est embauché, je crois qu'il est chez BFM, il me semble, il passe sur RMC. Ouais, mais c'est encore un prof à la con. En plus, tu vois, il a raison, MacDev, de dire. C'est-à-dire que tu regardes aussi l'anthropologie, tu vois, le mec, mais toi, tu dis, c'est un soumis? Non, c'est une soumise. C'est une soumise, le mec, il est là avec son petit corps. Franchement, je veux dire, le type physiquement est un sous-homme, c'est un Untermensch, le type. Il fait vraiment des billes légers, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu vois, la vidéo là, du type de Marseille là, qui dit de libérer l'arabe parce que les policiers sont venus le chercher en camis, bah, lui, tu vois, ça doit le toucher, tu vois. Il doit être une espèce de débile, tu vois. Lui, ça doit, il doit verser une larme quand tu vois ça. Tu vois, ça doit... Moi, j'ai une théorie. Il a l'air d'avoir une case à moins, hein, pour moi. Les mecs, je pense qu'honnêtement, ils sont juste en train de défendre leur beefsteak, quoi. C'est des mecs qui vivent sur le dos des gens qui payent des impôts et qui sont rémunérés. Qui sont rémunérés pour nous dire de fermer notre gueule parce qu'on est des salariés racistes, nazis, fachos, quoi. Ça va pas plus loin. Et les mecs vont pas aller couper la branche sur laquelle ils sont assis, en fait. Comme ces hommes politiques, c'est comme ce qu'on disait l'autre fois, là, c'est que... pourquoi on n'a pas d'hommes politiques intègres? Pourquoi on ne peut pas en avoir, en fait, dans les partis qui sont déjà en place? C'est que les mecs, ils ont des privilèges énormes, ils sont super bien rémunérés, ils ont une capacité, ils ont des fonds opaques, ils ont plein de trucs. Vous imaginez pas, enfin, il y a aucun mec issu de ça qui va dire à un moment, bon, écoutez, bon, on a fait de la merde, franchement, on vous coûte de l'argent. Il faut qu'on se coupe un peu les vives là parce que on est en train de foutre la France dans le rouge depuis 30 ans, ça peut plus durer. Mais non, il n'y en a aucun qui fera ça. Ouais, c'est comme lui, ouais. Hein. Voilà, c'est le même genre. Moi, je vois aussi un truc, c'est-à-dire que c'est un peu les drames de la société aujourd'hui, c'est que on fait très peu de gosses. Et ceux qui vivent, ils vivent bien parce qu'ils sont sanitairement pris en charge immédiatement. Et je pense qu'au plan, de la santé raciale, c'est extrêmement néfaste, ce truc. Parce qu'en fait, les tocards arrivent à survivre, et ceux qui pourraient être meilleurs génétiquement, en fait, ne naissent pas, tout simplement. Ou, comment dirais-je, ils ne sont pas soumis à des contraintes, et donc les meilleurs ne survivent pas. Donc il y a une sélection par le bas, et en plus de ça, socialement, comme on est aujourd'hui en France dans une espèce de mandarinat institutionnalisé où en fait, voilà, tu fais quelques années dans une université, où au bout d'un moment, tu arrives à devenir plus ou moins quelque chose, on te casse dans un truc, et puis ensuite, tu vas bavasser, parce que justement, il y a toute une industrie, comment dirais-je, une industrie étatisée, quoi, qui est bâtie sur l'idée de soutenir les perdants, systématiquement, c'est les perdants raciaux, les perdants culturels, les perdants politiques, donc, par définition, le socialisme, tel qu'on le voit aujourd'hui, ça produit Thomas Guénolé. C'est-à-dire, le mec est vraiment le produit de cette société de dégénérés et de sous-hommes. Et ça se voit physiquement. C'est normal que ça se voit physiquement. Tu vois pas un putain de mec et tout, toi qui es viré, le machin, le truc. Et puis le mec, il te dit, non, je pense que ceux qui disent du mal de l'islam, ils ont des problèmes mentaux. Non, tu vois une espèce de grosse tentouse. Tu vois, qui a une grosse tête, il a même plus de corps, il a des grosses binocles. Oui, alors machin, espèce de taloche, putain, mais le mec à Vernin, il tient pas 24 heures, le type. Premier bombardement, le mec, il a chié tout ce qu'il a sur ses bottes, quoi. Tu vois, c'est incroyable, on est gouverné par ça. Le type parle à des millions de gens, il est sponsorisé par ça, par le système pour bourrer la tête des gens. Et voilà, ils bavassent. Et tous ces journaux de merde sont comme ça. Et là, il y a un problème de sélection naturelle. Et moi, je dis, et je reviens à un truc qui m'est cher, on a besoin de rétablir les polarités, de rétablir les hiérarchies. Et on a besoin de foutre ces sous-hommes à faire le tapin là où ça peut être utile. Je sais pas, moi, en Guinée équatoriale ou quelque chose comme ça, tu vois. Au moins, qui nous rapporte un peu de pognon, enfin, qui servent à quelque chose, tu vois. Mais pas qui trouve des excuses à des salopards qui vont tuer, en plus des étrangers, parce que c'est ça qui se passe. Avec les attentats maintenant de plus en plus, ils visent les étrangers. Nice, il y avait déjà des étrangers, donc des visiteurs étrangers. C'est même pas des gens qui sont tellement haineux de leur propre peuple qui vont légitimer tous les crimes. C'est que maintenant, ça en vient où ils disent, ouais, en fait, faut fermer les yeux quand ces types assassinent des gens qui se disent, ah, la France, c'est un beau pays, je vais le visiter. Putain, des gens comme ça, faut les arrêter immédiatement et doivent être remis à, au ministère concerné pour traitement politique adéquat. Enfin, c'est hallucinant de voir ça. Et un truc comme ça, moi, ça me paraît complètement dingue. Non, mais ça nous révolte tous. Hein. Juste un bémol de ce que tu disais par rapport au physique. Pareil, Clément Méric, c'était le même genre de mec. Hein. C'était, ouais. Physiquement, ça valait rien. Ouais. Quoi. Mais le truc, c'est que malheureusement, il y a aussi pas mal de mecs costauds, tu sais, qui sont acculturés, hein, notamment les mecs qui font des sports de combat et tout, et qui vont défendre leurs potes. Et ça, c'est aussi catastrophique. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi sur la dysgénie en cours. Hein. Effectivement, le progrès médical a fait en sorte que des gens qui n'auraient pas forcément survécu auparavant, peuvent survivre. Mais bon, tout ça, c'est vraiment c'est politique, parce que comme tu dis si bien, je veux dire, si on avait les moyens d'envoyer des mecs comme ça dans des pays là-bas, genre loin de chez nous, et puis qu'ils puissent bosser pour la race, quoi, ou la civilisation, en mode on n'a pas besoin de physique pour le faire, bon, bah ça irait, c'est pas le cas, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est du dysgénisme total, hein, c'est-à-dire que plutôt que... je crois que c'était le juif antisémite, là, Roger Domergue, qui expliquait bien que quand une société décide de dépenser toute son énergie à sauver tous les invalides plutôt qu'à aider à se reproduire, à avoir des enfants, etc., les gens les plus valides, les plus forts et les plus brillants, bah, c'est évident qu'au bout de quelques générations, c'est la poubelle, quoi. Évidemment. Et on est dans la poubelle. Hein. Bah ouais, l'assistanat social, c'est ce qu'on fait. On est en train imaginez-vous, on utilise l'argent, l'énergie, le travail des parties saines de la population française, donc la partie blanche, laborieuse, pour multiplier les parasites, qui par ailleurs sont des gens qui détruisent l'environnement social et culturel. Un truc comme ça, c'est criminel. Ah, c'est comme ça que fonctionne le cancer. Hein. Ouais. Ouais, mais techniquement parlant, tu vois, tu reprogrammes les cellules, tu les fais dégénérer, elles se multiplient et elles bouffent le corps sain. Exactement. Techniquement parlant, le mec n'est pas un parasite, hein, parce que lui, il palpe plusieurs milliers d'euros, je suis sûr qu'il doit être à 3, 4 000, 5 000 euros, un truc comme ça. C'est pas... comment dire? Pour moi, c'est pas du parasitisme, c'est effectivement le fait que ce sont des traîtres, quoi. Pour moi, c'est un parasite. C'est des criminels. À partir du moment où tu fais la promotion du parasitisme, que tu sois parasite à titre personnel ou pas... Attendez, non, mais on peut pas prospérer du parasitisme des autres sans être un parasite soi-même. Je veux dire, c'est pas possible. Bah, c'est ça, oui. C'est comme les armées d'assistantes sociales, c'est-à-dire sans tous les abrutis qui ont besoin d'aide tout le temps, elles n'existent pas, tu vois. Évidemment. Alors, à toucher un mot, faire un peu de soral quand même, parce que bon, d'accord, il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire que on est quand même dans une société tradivirilisée, où il y a beaucoup de tertiaires, et puis on arrive à créer comme ça des castes de sous-hommes, quoi. Ouais. Le fonctionnariat, c'est un exemple, mais c'est aussi cette micro-caste d'intellectuels. Alors, Soral parle de cadets de la bourgeoisie, c'est juste insupportable, ces mecs-là, de lâcheté intellectuelle. Ben ça vient encore de la génération des baby boomers, parce que c'est là, je crois, qu'en France, ça a disparu, mais complètement. Hein. Aux États-Unis, ça subsiste encore un petit peu, mais en France, le concept de prise de risque pour arriver à quelque chose de plus grand, ça n'existe plus. C'est-à-dire l'obsession des Français, c'est la sécurité. C'est le truc bourgeois par essence. La sécurité, c'est le truc bourgeois par essence. Oui, c'est ne surtout rien avoir à sacrifier, ouais. Même si c'est pour toucher quelque chose de plus haut, etc. Il faut vraiment ne rien perdre à aucun moment. Garder, enfin, c'est une mentalité de bourgeois, quoi. Ouais, c'est la bourgeoisie. Mentalité d'épicier, quoi. C'est des comptes d'épicier, quoi. Mais c'est vraiment la bourgeoisie, c'est ça, cette bourgeoisie bureaucratique dégénérée qui vit littéralement de la destruction. Du peuple dont il était issu, quoi. Mais on doit s'interroger nous-mêmes, hein, je veux dire, il faut faire une introspection, hein. Pourquoi on a produit ça? Bon, bah, je crois qu'on a esquissé quelques pistes, mais ce genre de produit-là, les Thomas Guénolet avec leur physique. La France est allée dans ce concept d'abandon total de la prise de risque, la France est vraiment allée particulièrement loin. D'autres pays occidentaux, hein. Je sais pas exactement où est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut pointer du doigt pour expliquer ça, mais... Bah, c'est un vieux truc, c'est-à-dire que c'est un truc de possédant, quoi. C'est-à-dire que tu poses ton cul, tu squattes, tu chopes les rentes, tu t'assois dessus, et puis tu calcules en fonction, tu vois. C'est ça, en fait, l'histoire de la France. T'es en train de dire que c'est un truc d'Auvergnat qui cache ses thunes sous le matelas, c'est ça? Non, mais si tu regardes bien, c'est quoi tous ces gens-là, tous ces putains d'énarques, ces bureaucrates de merde, ces mecs qui sont planqués dans les administrations, tu sais, qui vendraient père et mère simplement pour pouvoir toucher des bistons. Des plans tranquilles, c'est ça, c'est la mentalité bourgeoise par excellence, tu vois, et des bourgeois de gauche, des bourgeois de droite, c'est la même merde, tu vois, et moi je suis quand même très attaché au fait que nous on est certes élitistes dans notre démarche, c'est-à-dire qu'on est des gens qui voulons le meilleur, mais on est quand même de souche populaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dégénéré comme toute cette chiasse qui s'est encroûtée tout en haut de la société, quoi, de l'ordre social. Et clairement, toutes les sociétés, et c'est évidemment vrai en France, mais c'est vrai en Occident en général, il y a besoin d'un très grand, d'une très grande révolution, qui soit à la fois une révolution, pas socialiste, hein, mais une révolution sociale au sens où l'ordre social doit être changé, et une révolution raciale, quoi. C'est évident. Donc tu veux dire que tu t'alignes sur la position de Frédéric Delavier qui veut briser la société de caste? Non. Mais je veux que les castes reposent sur un mérite réel. Ah bah oui, bien sûr, mais il y a des castes. Non, moi je suis pour la hiérarchie, je suis pour l'ordre, je suis pour la verticalité. Je suis au contraire, j'ai pas de problème avec les castes, mais les castes au sens conceptuel, pas les castes au sens d'encroutage bourgeois issu simplement d'un héritage de circonstances, quoi. Je veux dire, ça doit être fait, ça doit être sanctionné par le mérite. Voilà. Bah, c'est-à-dire que le concept, enfin, les castes ont quand même une tendance naturelle, une inertie à vouloir se maintenir malgré leur faiblesse. C'est-à-dire que quand dans ta famille, imaginons que tu es une famille aristocratique, noble, voilà, quand dans ta famille tu as un bon à rien, c'est quand même très bassement humain de chercher à placer ton bon à rien, ouais, pour sauver un peu la mise, etc. Donc il y a toujours une tendance un peu naturelle. D'ailleurs, à mon avis, c'est un peu pour ça que l'aristocratie a fini par se faire remplacer. C'est parce que, à force de placer des gens, de vouloir insister. Dégénérés, hein, il y a des dégénérés. Oui, des dégénérés. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait des purges à un moment ou à un autre. En fait, c'est marrant, c'est fascinant parce que. Il y avait ça, il y avait ce problème dans les grandes familles aristocratiques européennes. Phénomène d'endogamie, de dégénérescence, enfin d'endogamie radicale. Enfin là, c'était carrément les mêmes familles tout le temps, etc., avec parfois des gros problèmes. Et puis au bout d'un moment, comme tu l'as dit, quoi. Alors attention, c'est pas toute l'aristocratie, c'était pas que ça. Faut pas non plus raconter des conneries. Bien sûr, quoi. Que non, mais je veux dire, à mon avis, c'est la tendance. Ouais, voilà. Bassement humaine du chemin le plus facile, quoi. C'est-à-dire tu. Mais on le voit, en fait, on le voit. C'est-à-dire que regarde les acteurs, les fils d'eux, comme tu disais tout à l'heure, les fils de. Voilà, moi je suis fils de machin. T'es fils de Depardieu ou fille de Depardieu ou fille de machin. Tu regardes le talent, t'es là, tu dis ouais, bah c'est relatif, quoi. C'est relatif. Ouais, c'est-à-dire qu'il pourrait animer une MJC ou une. Surtout, quoi. Effectivement, le milieu artistique français. Ouais. Quoi. C'est, je sais pas qui peut regarder un film français sans avoir envie de se tirer une balle. Ah, bah il y a des gens envoyés au goulag en masse. Hein. Alors là, C'est-à-dire, tu veux dire quoi, les drames sociaux intimistes? Oh, bon, ben, allez, n'importe quel film de Vincent Lindberg, là, Vincent Lindon. Voilà, c'est horrible. Quoi? Il s'appelle Lindberg? C'est un juif! Alors lui, au montage, au montage, ça va être compliqué, parce que vu tous les tics qu'il se tape, le type... oh là là là, putain, les rushs, il doit faire 3 films pour un, celui-là. C'est dingue. Enfin bon, point numéro 4 sur l'argumentation dans laquelle on se trouve. Vous savez que le préfet a donc commenté l'action, il a dit, voilà, alors je cite, hein, il a dit, oui, il a menacé, il a, enfin, l'assaillant a menacé les militaires en criant à la Akbar. Avec, voilà. Alors là, je lis LCI, hein, la chaîne de droite, la chaîne du capitalisme agressif, comme dit Besancenot, quoi. Devant les journalistes, le préfet de police de Paris, Michel Cadot, a décrit l'attaque du Louvre qui s'est produite vendredi matin et expliqué que l'assaillant avait proféré des menaces, notamment à la Ouagbar. Une formulation qui en a surpris plus d'un. La petite phrase n'est pas passée inaperçue. Pendant un point de presse auprès des journalistes ce vendredi 3 février, Michel Cadot a tenu à préciser quelques éléments de contexte autour de l'agression de militaires survenue au carrousel du Louvre dans la matinée. Il a entre autres indiqué que l'assaillant avait agi en proférant des menaces, notamment à la Ouagbar. Je continue, LCI est très en colère. Hein. Or, au sens littéral, l'expression « à la Ouagbar » signifie en arabe « Dieu est grand » et s'utilise à l'origine comme un appel à la prière ou une célébration d'événements importants. Si elle est reprise depuis plusieurs années par des terroristes islamistes au moment de commettre des crimes, et s'apparente ainsi pour certains au radicalisme religieux, elle n'a en réalité étymologiquement rien d'une menace. Abus de langage, amalgame malheureux ou signe que l'utilisation de ces mots figure à présent au rang des comportements suspects. Toujours est-il que la sortie du préfet de police a cristallisé quelques tensions ce vendredi matin, et sur Twitter, on s'est empressé de la souligner. Alors, c'est... Ah bah, je suis sûr que les conquérants musulmans du 9e siècle, avant d'opérer leur pillage, razzia et autres viols, ne criaient pas à la Ouagbar, quoi. C'est un abus complet, hein, c'est un néologisme, voilà, c'est un usage nouveau, c'est ça ? Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, maintenant les Français, en fait, c'est le message de LCI, de TF1, quoi, c'est de dire, enfin, c'est de faire de la pédagogie en expliquant, voilà, vous vivez dans un pays musulman, vous devez comprendre quels sont les codes musulmans. Donc quand vous entendez « à la Ouagbar », ça ne veut pas forcément dire que le type est un exalté d'Allah, ça veut juste dire que c'est juste un musulman. En fait, Alain Soral, il a raté son truc, il aurait dû écrire « comprendre l'Empire ottoman », en fait. C'est juste ça, hein. C'est génial, leur tortillage de cul, enfin, ils sont toujours dans la déconstruction. C'est ces mecs-là qui t'expliquent voilà, qu'Allah Akbar n'est pas un cri de guerre, alors que c'est aussi un cri de guerre, évidemment. Et c'est les mêmes mecs qui vont te faire chier parce que tu traites un noir de noir ou tu parles de nègre. Bah, étymologiquement, nègre, ça veut dire noir, hein, c'est pas une insulte non plus. Et pourtant, là, vous savez très bien stigmatiser, vous savez très bien cataloguer le vocabulaire comme méchant. Mais par contre, quand c'est pour les musulmans, bah, là, bizarrement, non. Faut déconstruire, oh, étymologiquement, c'est pas méchant. Non, mais le truc, c'est qu'il est. Quelle hypocrisie. Le truc, c'est qu'il est. Habituez-vous à entendre à la Ouagbar, c'est normal, quoi. Donc, voilà, si vous l'entendez. En fait, non, mais t'as carrément la LCI, quoi, la chaîne du patronat français qui t'explique si vous entendez à la Ouagbar, ne pensez pas à mal. Si vous pensez à mal, c'est vous qui êtes tordu. Non, mais c'est pour se donner du courage, en fait. Ouais, non, mais attendez. Ça, en direct. C'est la France qui devient une terre d'islam. Et les mecs à LCI, là, hein, voilà. Voilà. Non, mais c'est le capitalisme, ça. Le capitalisme islamophobe, comme l'explique Jean-Luc Mélenchon. Oui, bah là, on crée... De toute façon, il y a une islamophobie d'État encouragée par le patronat qui ne recherche qu'une chose, c'est le choc des civilisations. Une démonstration, encore une démonstration, je veux dire... Alain Soral avait raison il y a 20 ans, quoi. Il y a déjà 20 ans, il avait raison. Agitateur depuis 1960, c'est parce qu'il y déteste. Oh putain. Et tu sais, Gandalf, il n'y a rien d'étonnant, puisque la grosse molle Hollande a décidé de ne pas appeler l'État islamique État islamique, parce que dedans, il y avait islam. Donc il a préféré utiliser le mot Daesh, qui en fait est l'acronyme arabe pour dire État islamique. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Dorénavant, quand on parlera de l'islam, eh ben, il faudra utiliser les formes. Comme les bougnoules, quand ils parlent du prophète, avant, il cite quelque chose qui veut dire paix et bénédiction sur lui, quelque chose comme ça. Eh bien, dorénavant, à chaque fois qu'on parlera du terrorisme de musulmans, de pseudo-musulmans, de musulmans qui n'en sont pas, selon les médias, ben, on fera la même chose. Ouais. C'est insupportable, ce deux poids de mesure. Moi, je repense à l'attentat qu'il y a eu au Québec. Alors, ils ont quand même trouvé le moyen de faire un lien avec le FN, parce que le type, il a liké Marine Le Pen sur Facebook. Et par contre, là, faire le lien entre l'islam radical et l'islam, ah bah non, quoi. Mais oui, d'ailleurs, ils ont... Quel deux poids de mesure, quelle hypocrisie. Je crois que c'est le Parisien là, qui a flouté le visage là, du bougnoul égyptien, là, voilà, parce que pas d'amalgame, etc. Par contre, le type... Le blanc, là, quand même... il est en gros plan. Ah, le blanc, là, on l'a mis en gros plan. On voit sa gueule, là, c'est du... c'est un plan de cinéma, quoi. Et pour l'info, pour info, l'Égyptien avait liké la page d'Obama. Hein. Mais là, par contre, on en a pas. Putain, un supporter d'Obama attaque des gens au loup. Non, ah non. Un supporter d'Obama et de Marine Le Pen. Non. Le mec du Louvre, il aimait Obama. Mais, je comprends. Alors là, tout d'un coup, c'est libération. Un supporter d'Obama attaque. Ah non. Un jeune touriste égyptien, pris d'un coup de folie, attaque des militaires. Un jeune touriste égyptien ne trouvant pas les toilettes, voilà. Stigmatisé parce que les militaires lui ont pas dit bonjour. Non, mais c'est là où on voit le poids des médias, comment on met l'accent sur certaines choses, comment avec les mots, les images, on dissimule d'autres choses, comment on inculque à préjuger d'une situation de façon favorable et de façon négative pour d'autres groupes de personnes, c'est la propagande, putain, c'est ça. Alors maintenant, aux États-Unis, Donald Trump fait la une mondiale. Hein. C'est sa décision d'interdire 7 pays musulmans, aux ressortissants de 7 pays musulmans, de pouvoir accéder au territoire américain, a littéralement mis en PLS, en position latérale de sécurité, tous les pays occidentaux, parce qu'en fait, les pays, la plupart des pays non blancs s'en foutent, en fait, hein, ils s'en tapent complètement, à part quelques pays musulmans. Alors, c'est un vrai bordel, parce que là-bas, le Parti démocrate aux États-Unis, les gauchistes, hein, foutent le souk. Il y a des juges qui essayent de bloquer le truc. Donc, alors, les juges omnipotents, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui s'arrogent le droit de décider, essayent de bloquer le machin. Là, j'ai envie de prendre l'avis de Frédéric Danlévy. Alors, pour le coup, l'attaque du Louvre, ça fait quand même le jeu un petit peu de Trump. Là, il a un argument à chaud pour dire, voilà, j'ai raison, démonstration, quoi. Oui, et puis il faut savoir un truc, c'est que Trump, j'imagine que les gens qui suivent un peu l'actualité sont au courant, mais il ne se laisse pas faire, hein, ce qui est quand même assez rare par les temps qui courent, c'est-à-dire que le juge qui a voulu attaquer l'ordre de Trump, enfin c'est-à-dire c'était sur certains pays, le juge qui était en intérim, qui était une sorte de résidu de l'administration Obama, je crois. C'était le ministre de la Justice par intérim, en fait. D'accord. Bon, c'était une gonzesse, non, il me semble. Ouais, c'était une gonzesse. Ouais. C'était pas une juive, non? Ah, je sais. Non, je crois pas. Je sais même pas, mais en tout cas, elle s'est fait limoger immédiatement et remplacée... Et 30 minutes Non, mais c'était très rapide. C'est vrai que Trump, il a vu... il a déclaré, d'ailleurs, il a donné des interviews où il a dit clairement, bon, écoutez, les gars, moi, les obstructionnistes, hein, allez-y, hein, faites ce que vous avez à faire, on va jouer, hein, y a pas de problème. Donc Trump effectivement joue les cartes qu'il a. Il a fait remplacer immédiatement cette personne-là. Il a fait passer son ban sur certains pays, dont la Somalie. J'ai oublié les autres, mais c'est tous des trous à merde. Bon, il est critiqué quand même un petit peu du côté américain parce que évidemment méchant. Et les Américains se demandent pourquoi il n'a pas fait un ban sur l'Arabie Saoudite. Sur il certains... a raison. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas. Oui, c'est mais pas. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que en fait, t'as de la géopolitique derrière face à l'Iran. Bien tout sûr, il y a des voilà. Alliances géopolitiques, il y a des alliances business. Il aurait pu Trump... aussi troller les Algériens, quoi. Ça aurait été sympa. Et Trump ne va pas. Il a trollé. Il a ne va pas trop loin, trop vite. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que la plupart des gens, les réactions, en tout cas dans le camp de Trump. C'était de dire, bon, déjà, bon, ils étaient contents globalement, hein, mais c'était de dire, et l'Arabie Saoudite, et le Qatar dans tout ça, quoi. Hein. Il en manque. Il en manque. Ouais, c'est pas complet, hein, c'est vrai qu'on pourrait faire mieux. Bon, mais bon, en tout cas, le truc est passé, et effectivement, c'est l'apoplexie chez les gauchistes, alors c'est la discrimination religieuse, etc., etc. Alors Trump s'en défend. Tiens, ils deviennent religieux maintenant. Oui, alors c'est Trump s'en défend entre... Oui, alors c'est absolument c'est phénoménal, c'est-à-dire que la gauche, hein, la gauche américaine, qui passe son temps à s'élever contre les fondations chrétiennes du pays, mais juste contre, comment dire, la religion en général, puisque ils sont champions de l'athéisme, etc., enfin, une sorte de républicanisme athée, etc., comme en France d'ailleurs. Et là, il monte au front pour défendre la liberté de religion, etc. Voilà, c'est soudainement, ah là là. Oui, voilà. Ce qui montre, comme d'habitude, hein, comme on a l'habitude de voir ça, en fait, du côté de la gauche, il n'y a absolument aucun principe. C'est juste vraiment de l'opportunisme selon la situation. Voilà, on va défendre un tel le lundi, un tel le mardi, un autre le mercredi, etc. Donc. Bon, en tout cas, c'est passé. Je pense que ça va déjà. Je voyais les. Enfin, attends, il y avait des captures d'écran. Attends, il y a eu un développement. Vas-y. Il a posé son ban. La ministre de la Justice, par intérim, a dit non, c'est pas possible, etc. Je bloque. Elle s'est fait têche dans les 30 minutes. D'accord, le truc continue. Il y a eu un ban, il y a eu une contestation d'un juge au plan de un ou deux États, enfin, il y a un cas qui pouvait remonter au plan fédéral, ça s'est fait écraser aussi. Et là, il y a un juge, là c'est tout frais, c'est de ces dernières 24 heures, il y a un juge nommé par Bush qui a pris une décision qui a un impact fédéral, un impact sur tout le territoire américain, qui suspend l'amendement de Trump. Réaction immédiate de Trump sur Twitter il y a quelques heures, hein, on parle là de il y a quelques heures hein, maintenant, hein, donc on est évidemment samedi. Le mec a dit ce pseudo-juge ose machin, il ose un truc, on va y aller, tu vois, c'est-à-dire que waouh, c'est parti. Donc en fait, il y a vraiment depuis une semaine, il y a une tentative d'obstruction systématique des juges en fait qui essayent de maintenir leur mainmise sur le fonctionnement du pays, littéralement. Au détriment du peuple américain souverain, quoi. Toute ressemblance avec ce qui passe en France serait absolument fortuite. voilà. Des juges marxistes, hein, entre nous soit dit, hein, la plupart du temps, ou pas que, parce qu'évidemment, nommé par Bush, enfin bon, on va savoir dans quelles circonstances et pourquoi, je l'ignore. Alors, truc très intéressant, et Fred, tu vas réagir là-dessus, c'est que quand il a prononcé son ban, qui est rentré, mais qui rentre, c'était magnifique à voir, c'est un spectacle extraordinaire. C'est-à-dire que quand il a lancé son executive order, donc son décret présidentiel, mais dans les quelques heures qui suivaient, tout d'un coup, plein de gens dans le monde, enfin des bougnoules quoi, ne pouvaient plus prendre leur avion pour aller aux États-Unis. C'était vraiment magnifique à voir sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est de ça que j'allais parler, c'est-à-dire on a vu des ouais. photos, des écrans dans les aéroports avec tous ouais. les noms qui devaient se présenter au service consommateur, service client. Et c'était tous des noms de bougnoules, quoi. C'était fabuleux. Dont à Paris, à Roissy. Hein. Il y avait, oui, il y avait, oui, oui, oui, notamment. Un truc, Mohamed Ben Machin, un truc, etc. Vous me direz, bon, on ne peut pas trop les distinguer des gens habituellement fréquentant le truc. Mais c'est vrai, mais bon, c'est quand même sympa. Et sur ces entrefaites, il y a le CARE, alors je cite, hein, le Council on American Islamic Relations, alors ça veut dire le Conseil pour les relations américano-islamiques, en gros, qui a déposé, je crois, a payé des avocats pour remettre en question le ban, ce qui a déclenché la première suspension tout de suite, dans les quelques heures qui ont suivi, à 12 heures après. Et c'est là qu'il y a eu une occupation des aéroports aux États-Unis. Et la gauche occidentale et les médias occidentaux en ont fait un pataquès, alors qu'en fait, il n'y avait qu'une centaine de cas concernés. Et ça concernait quoi? C'était les gens qui étaient dans l'avion, étaient arrivés aux États-Unis durant l'application du décret présidentiel, c'est-à-dire dans les quelques minutes, et qui ont été effectivement interpellés et questionnés. Et les médias occidentaux ont transformé ça en une espèce de gigantesque affaire. Non, mais c'est hallucinant, il y en a je ne sais pas combien. Il y avait 100 pelés. Les États-Unis, c'est 300 millions, 330 millions d'habitants. C'est gigantesque, 100 connards. Transformé. Oui, les États-Unis, les aéroports sont bloqués, il y a des détentions massives. L'AFP, l'agence presse, ils étaient tous déchaînés. Et ceux qui étaient à l'origine de cette réclamation juridique, c'était le Caire que j'ai cité, qui est une émanation des frères musulmans installés aux États-Unis, frères musulmans dont l'UOIF est la branche française. Et je fais le lien, vous vous rappelez, on a parlé dans l'émission précédente, ou l'émission encore d'avant, c'était la marche des femmes à Washington, qui était organisée précisément par des islamistes, entre autres, dont une certaine Asra Nomani, qui était financée par Soros. Donc là, on voit les liens, c'est-à-dire que il y a Soros, le Parti démocrate, la finance, qui fait, comme tu l'as dit, de l'obstructionnisme, qui paye, c'est-à-dire qu'il y a le gros, il y a Wall Street lâche le pognon pour empêcher Trump de mettre en place son programme. Et ils utilisent à cette fin les islamistes, dont les frères musulmans. Et là, tout devient clair, tout devient limpide. Il faut quand même, là, c'est un truc qui est sorti aujourd'hui. Il faut quand même voir que ce sur quoi ça aboutit, c'est que Trump est en train de considérer officiellement, là, il y a des pourparlers, ouais. Pour considérer les frères musulmans comme organisation terroriste. Ah, voilà. Alors, Steve Bannon, qui est le conseiller de Trump, alors c'est notre mec, hein, c'est notre gars, our guy, comme on dit au Daily Stormer, c'est notre mec, Steve Bannon, c'est le rédacteur en chef, c'était le rédacteur de Breitbart. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vite. C'est en anglais, par contre. C'est quelqu'un qui a une vision très intéressante. On y reviendra probablement, je ne vais pas m'attarder sur lui. C'est le conseiller politique de Trump. C'est lui qui met au point la vision stratégique. Il vient de rentrer au Conseil national de sécurité. C'est-à-dire que le type va décider de la politique étrangère des États-Unis et militaire. Les médias et les juifs sont hystériques. Ils n'en peuvent plus. Et le gars est un ennemi des musulmans, mais puissance mille. Il dit, voilà, moi je l'ai écouté, hein, je l'ai entendu, il le dit, enfin il le disait en conférence, il disait, on est en guerre contre les musulmans, et non pas, c'est pas nous qui avons décrété la guerre, c'est eux qui veulent, enfin ils nous envahissent, ils nous attaquent et tout, faut réagir. Et donc le gars est quand même derrière les mesures de blocage, et vraiment la gauche américaine, qui elle est pro-islamiste, n'en peut plus, et il avait dit, en parlant des frères musulmans, que c'était une organisation à interdire. Mais Al-Sisi le dit aussi, hein. Je veux dire, le président égyptien... Ah bah, en Égypte, ils en auront le cul, hein. Ça, c'est clair. Ah, attends, ils se font péter partout et tout. Hein. Et d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent en doute, il y a un Égyptien qui vient d'essayer de rentrer au Louvre, on a vu ce que ça donne, quoi. Donc, il y a une cohérence dans tout ça, mais en fait, on voit bien ce qui est en jeu, hein. On voit bien les dynamiques. Bon bah Trump, bah j'espère, ce que tu nous dis c'est une bonne nouvelle, j'espère qu'ils vont l'interdire, hein, les frères musulmans. Effectivement. Et la France, hein, derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? L'UOIF qui tenait congrès aujourd'hui d'ailleurs, et alors je tenais à saluer les identitaires, Génération Identitaire, qui a bloqué le palais des congrès de Paris, où devait se tenir le congrès de l'UOIF, branche des frères musulmans égyptiens, qui est une structure, une nébuleuse djihadiste internationale qui soutient vraiment les attentats, etc., les opérations kamikazes. Je tiens à les saluer parce qu'ils ont quand même bloqué la place, ils ont été interpellés et arrêtés par les forces de l'ordre pour permettre à la racaille islamiste de faire son congrès. Voilà, aux États-Unis, et je te remercie de l'avoir dit, le climat n'est pas du tout le même, la même vermine est dans l'œil de la Maison Blanche, qui n'a jamais aussi bien porté son nom d'ailleurs. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Alors, je veux juste que tu reviennes. Alors, oui, deux trucs. On va revenir sur Berkeley vite fait. Mais quand même, le gouvernement français, visiblement, enfin François Hollande, il s'est dit, tiens, je vais faire un truc, a protesté contre le ban, contre les États concernés par le terrorisme, dit le ban musulman, hein, donc l'interdiction de territoire pour les 7 pays concernés. Je vous lis le Figaro. Hein. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, a souhaité lundi l'annulation du décret du président Trump sur l'immigration. Je le cite. « Je pense que ce serait le bon sens d'annuler cette décision », a-t-il déclaré lors d'une visite à Téhéran, dénonçant une situation inacceptable et très pénalisante pour les personnes concernées. Oui. Je pense aux binationaux franco-iraniens, irano-américains, qui sont meurtris par cette situation. C'est un choc pour eux, c'est vécu comme une blessure, a-t-il ajouté. Qui veut réagir sur cette truc, sur ce truc? Quelqu'un doit réagir. Quelqu'un doit réagir. Non, mais quelqu'un doit réagir là-dessus. Je veux dire, le ministre des Affaires étrangères français est à Téhéran, chez les Mollahs, quoi, littéralement. Le mec dit, c'est quand même inacceptable, Donald Trump refuse de laisser des gens originaires de pays potentiellement dangereux rentrer sur le territoire. Deux jours plus tard, ou trois jours plus tard, t'as un putain d'Égyptien qui débaroule pour égorger du monde au Louvre. C'est je sais pas, on a l'impression que ce serait des scénarios écrits par des gens comme nous. Ouais. C'est vrai, quoi. Moi, je voudrais bien répondre, mais après, ça va être censuré au montage, donc... à la place de dire des trucs méchants, tu dis des trucs gentils, tout le monde comprendra. Donc tu dis, voilà, j'aimerais tellement faire des bisous à Jean-Marc Ayrault. Ouais, j'aimerais tellement lui faire des bisous, je voudrais le serrer par le cou pour lui prouver mon amour, voilà, quoi. Je l'aime, ce type, c'est fou, quoi. Et puis surtout, l'expertise française en matière d'antiterrorisme devrait être... Ah bah, elle est meilleure, quoi, c'est... Au plus on donne des leçons au monde, au plus il y a des attentats. Quoi. C'est merveilleux. Non, mais je sais pas, je veux dire, les Américains, quand même, ils devraient écouter les Français, parce surtout le gouvernement socialiste, quoi, ces dernières années, je crois qu'on est. À part les pays genre Turquie, Irak, Afghanistan, au niveau occidental, on est quand même à la pointe. Donc, pas mal. Pas cocorico, mal, ouais. S'il te plaît. Hein. Pas mal, ouais, cocorico, effectivement. Bon. Berkeley, les gars. Berkeley. Alors, ça, c'est un peu pour toi, dans l'évier. Alors, Berkeley, c'est l'université en Californie. Grosse émeute. Hein. Alors, il y a Milo Yiannopoulos, qui est un contributeur de Breitbart, qui est un juif homosexuel, je tiens à le préciser. C'est un juif gay, mais qui est hostile un peu à l'islam et qui est pour la liberté d'expression. Il n'a pas envie de se faire jeter du haut d'un bâtiment, quoi. Comme un raca, quoi. Ouais, il n'a pas envie d'expérimenter. Il a un petit peu un instinct de survie, comme dirait ça. Oui, mais tous ne l'ont pas, vous le remarquez, notamment chez nous. Hein. Alors lui, il voulait faire une conférence, il voulait faire le tour des universités américaines pour défendre la liberté d'expression, pour dire, voilà, il y a plein de conneries qui sont racontées sur Donald Trump, etc., sur voilà, la gauche raconte de la merde. Donc il y a une espèce comme ça de enfin, c'est pas vraiment une droite, mais disons c'est une espèce de libre penseur. Oula. Oui, bah, oui. Mais c'est un peu ça. Quoi. Ne va pas trop loin, s'il te plaît. Mais c'est un peu des partisans de la pensée libre. mais qui sont des libéraux, un peu comme Riposte Laïque, quoi. Ils détestent l'islam, mais en même temps, c'est des dégénérés pro-PD et tout, quoi. C'est un peu ça. Mais les gauches peuvent pas les supporter. Et alors, Berkeley est devenu le théâtre de violences inouïes, quoi. Ça a été enflammé, ça a été tagué. Il y a eu des appels au meurtre contre Donald Trump. Enfin, c'est assez chaud. Et truc intéressant, c'est que le fils de George Soros, Alexandre Soros, est à Berkeley. Truc intéressant à noter. Qui l'eût cru? Mais c'était des images quand même assez impressionnantes. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire là sur Berkeley, là, ce truc-là? Tous ces campus de gauche, de gauchistes et tout. Il y a quand même toute cette gauche aux États-Unis, les gens ne le savent peut-être pas en France, mais appelle de plus en plus à la violence, à l'assassinat de Donald Trump, à renverser le gouvernement, à des coups d'État militaires. On voit très objectivement de très nombreux juifs appelé à la violence, on voit toute la racaille minoritaire, les nègres et autres, se livrer à des déprédations. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et sur le climat en général, tu vois? Bah, c'est-à-dire que ça fait un moment quand même, hein, sur le côté gauchiste ultra-violent aux États-Unis, ça s'est développé, enfin ça a quand même atteint des niveaux là-bas très très très très poussés, avec des gens, des cours sur le privilège blanc, des gens qui appellent plus ou moins clairement enfin, l'assassinat de blancs, enfin, voilà, détruire la société blanche, enfin, ça fait un moment, mais bon, c'est... Voilà, disons que ça se précise, et il va falloir, je pense, enfin, ça va dépendre du courage de Trump là-dessus, parce que c'était écrit que toutes les administrations publiques, enfin, les universités, etc., enfin, principalement tout ce qui a trait à l'éducation, évidemment, mais ça recouvre d'autres secteurs aussi, allaient faire tout ce qu'ils allaient pouvoir faire pour saboter la présidence de Trump. Et je pense que la seule réponse qu'il y a à apporter à ça, ça sera de leur couper totalement le financement. Et là, Trump l'a dit, rira bien qu'il rira le dernier, mais je sais pas ce que va en faire Trump, s'il va avoir le courage de faire ça, ça serait quand même un électrochoc, mais ça fait longtemps que c'est mérité, parce que ces universités sont véritablement des usines à merde gauchistes, ouais. Et il va bien falloir que quelqu'un s'y attaque un de ces jours. Mais il a dit, si vous laissez pas les gens s'exprimer, donc comme Milo Yiannopoulos, si vous les laissez pas tenir simplement une conférence, vous respectez pas le premier amendement, il n'y a pas de raison que le gouvernement fédéral vous finance, quoi. C'est ce qu'il a dit, hein, en gros. Hein. Oui, bah, il va falloir voir s'il va l'appliquer. Sinon, Fred, Trump veut aussi redéfinir la menace terroriste aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire un truc là-dessus? Alors, pour le coup, ça, je... Ah bah, oui, en fait, si, attends, excuse-moi, ouais. Oui, je... quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais oui, effectivement, il y a des discussions en cours pour redéfinir ce qu'on appelle le terrorisme, et pour retirer de cette définition officielle, donc la définition fédérale du terrorisme, tout ce qui est extrême droite, identitaire, etc., etc., c'est-à-dire en gros les blancs racialistes. Et pour se recentrer totalement la définition du terrorisme sur le terrorisme musulmans en particulier, mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à l'étranger, quoi. Ouais. Et ça aurait des répercussions énormes, puisque ça voudrait dire que toutes les agences gouvernementales, comme le FBI, la CIA, la NSA, etc., dévieraient une quantité immense de ressources qui sont dédiées au sabotage, à l'infiltration, ouais, à l'espionnage, ouais, de tous les groupuscules d'extrême droite identitaire blancs, pour allouer toutes ces ressources à la gestion, en fait, du terrorisme islamique, entre autres. Donc, ça serait, si ça se fait réellement, que c'est écrit noir sur blanc, etc., c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en fait, ouais, il y a le truc, en fait, les gens ont dit, ouais, c'est vrai que ce serait gigantesque. Hein. Mais il y a plus que ça, c'est-à-dire que... Parce qu'en fait, de toute façon, il faut bien se dire un truc, genre, il faut bien qu'on se comprenne ici. Personne ici n'est en train de dire que le terrorisme blanc, au sens où, voilà, des attentats aveugles et tout, serait dans notre logique, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais ça existe d'ailleurs, je veux dire, bon, il y a des gens, il y a des nationalistes blancs qui posent des bombes et tout, bon, ouais. Mais c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, on change la définition de l'ennemi, qui colle beaucoup plus à la réalité, c'est-à-dire qu'on a des gens, des ennemis civilisationnels, qui veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer en Europe, ils veulent nous tuer en Amérique du Nord, c'est-à-dire nous, les blancs, nous, les occidentaux. Et de ce point de vue-là, c'est une redéfinition qui est évidemment bienvenue. Je pense, ceci étant dit, que le recalibrage, je pense pas qu'il est actuellement, je pense qu'il est intégré. Mais ça devrait viser aussi l'extrême gauche. Parce que actuellement, et c'est ce que ça fait le lien avec Berkeley, c'est-à-dire qu'on a clairement une extrême gauche qui veut tuer des gens, qui appelle à assassiner le président des États-Unis, et qui se livre à des violences. Et on a le phénomène Antifa qui était réservé à l'Europe, je pense que nos auditeurs le connaissent, les Antifa, donc la crasse d'extrême gauche qui a toujours été soutenue par tous les gouvernements, je veux dire, de droite et de gauche en France, je veux dire, il faut bien comprendre ça. J'ai entendu des gens qui prenaient la défense de François Fillon, la droite, mes couilles, c'est des conneries. Je veux dire, tous ces gouvernements de droite vendus ont toujours défendu les Antifa, ont toujours réprimé les militants nationalistes, juste parce qu'on faisait des conférences ou des réunions, etc. C'est ça la réalité. Et aux États-Unis, le phénomène Antifa prend, en fait, est en train de devenir le mot générique pour tous ces trucs d'extrême gauche qui existaient de toute façon depuis un moment. Et ces gens-là appellent à la violence, commettent des violences et visent clairement le président américain. Je pense que ça rentre dans la définition du terrorisme. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Et j'aimerais bien voir les musulmans qui veulent commettre des violences et ces gens-là être intégrés dans la même liste. C'est peut-être un vœu pieux, mais ça serait quand même bienvenu. Alors pour terminer notre émission, Mathieu Kassovitz qui appelle au meurtre de Donald Trump. Ça vous inspire quoi, vite fait? Il est toujours là-bas? Ah bah il alterne, hein, ouais, il est en Californie très souvent. Californie, un trou à chiottes, socialo, pédalo, ouais, il y a même des ouais, juifs. Il fait un ouais. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Alors là, il est là-bas. Alors, tranquillement, sur Twitter, lui, il a dit, on a besoin de Harvey Oswald, là, il faut buter Trump. Hein. Kassovitz, d'ailleurs, qui c'est le ban des musulmans, elle n'en pouvait plus. Le grand ami des musulmans, notre ami Kassovitz, qui est d'origine juive, d'ailleurs, faut préciser. Enfin, donc, il est juif. Quoi. Oui, c'est un juif. Mais qui aime les musulmans beaucoup, tu vois. Alors, curieusement, la réciproque n'a pas l'air aussi vraie. C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas l'air d'aimer tellement les juifs. Enfin, les juifs ont l'air d'aimer beaucoup les musulmans ont l'air d'aimer un peu moins les juifs. Hein. C'est assez étonnant. Non, bon, alors... Casse-juif qui a fait un film magnifique qui s'appelle La Haine, où c'est l'histoire, en fait, d'un juif entouré d'un nègre et d'un bougnoul. Ils s'entendent tous très bien. Pour casser du blanc. C'est une fiction. Pour casser du blanc, c'est une fiction. Pour casser du blanc. Encore que, quand il s'agit de tuer du blanc, ils arrivent à se mettre d'accord, hein, quand même. Ouais. Mais ce film a ramassé, je crois, pas mal d'Oscars, et ça a fait mouiller pas mal de culottes de profs de gauche, hein, de profs de français qui nous ont éduqués, hein, il faut le savoir. Ça a esservelé un certain nombre de blancs qui se sont laissés impressionner par la pseudo-virilité de la racaille de banlieue, tu vois, la mythologie de racaille de banlieue. C'était assez pitoyable. Un film très menteur dans la scène finale, il y a un policier qui sort son arme, qui menace et qui tue accidentellement un des jeunes, et c'est tellement... Non, oula, des jeunes, quoi, de quoi? Oui, des jeunes, oui. Et vous, là, ta langue a fourché. Vous m'avez compris. C'est tellement loin de la réalité où, en fait, les flics peuvent pas se défendre, ils se laissent tirer dessus. Et c'est ce mec, ce Kassovitz, là, te dépeint juste le contraire du réel. C'est une boussole qui indique le sud. Voilà. Non, mais il est coutumier du fait. Hein. C'est vraiment une saloperie. Je crois qu'il a tous ses films, sans exception, sont... alors, je sais qu'il a... Il a salopé un bouquin de Dantec. Ouais. Il a totalement flingué alors qu'il avait des moyens faramineux. Mais tous ses films sont de la chiasse gauchiste. Il n'y a pas une exception à la règle. Il a fait le film sur les Kanaks. Ouais, c'est ça. Ouais, L'ordre et la morale, ça s'appelle. Une saloperie, mais c'est un type encore. Sur les Kanaks, bon, il a parlé de l'affaire de la grotte d'Ouvéa en 82, je crois, mais c'est pas encore son plus mauvais film. Mais Amen, c'est un putain de film de propagande. Ouais. C'est-à-dire, ça sent le Youpin des kilomètres à la ronde. Et moi, j'avoue avoir regardé La Haine quand j'étais adolescent et ne pas avoir compris toute la subtilité du message, puisque. En fait, le juif joué par Vincent Cassel est plus ou moins représenté comme un blanc, ce qui est juste une farce, puisque l'acteur Vincent Cassel est un putain de youpin. Je suis pas sûr qu'il soit juif, hein. Crochon, hein. Je crois pas. Hein. Ah bon? Je crois pas. Il a une gueule, mais... Ça... J'en sais rien, moi je suis pas devin non plus, mais même... Non, c'est juste un enculé. Ouais. Par contre, il a une sale gueule, hein, ça, en fait. Enfin bon. Bon bah sur ces bonnes paroles, chers amis, discussion riche, émission riche, je veux le croire. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, salut. Salut. Salut.